السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله جميعا. Donc c'est aujourd'hui inshallah ta'ala samedi بإذن الله عز وجل samedi le 5-6-1432 de l'Hijr, c'est-à-dire le 35-2009. Nous sommes, inshallah ta'ala, dans le 41e cours du deuxième tome de l'Aqidah al-Wasitiyya. Alhamdulillah. Donc, le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, est très important parce que, en même temps qu'il parle de l'Aqidah, il va montrer des choses très important dans la sunna. Donc on va dire d'abord, on va lire ce qu'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Ensuite, on va expliquer ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit: "Thumma min tariqati ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u athar ar-rasul sallallahu alayhi wasallam batinan wa zahira." C'est-à-dire, le Cheikh Islam a dit que les gens de la tradition et du consensus se conforment au modèle et aux traces, si je puis dire, les traces, c'est-à-dire les sunnas du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait dans sa vie. Il a dit, batinan wa zahiran, que ce soit dans la vie intime ou que ce soit dans la vie publique. Et aussi, on peut dire zahiran, batinan wa zahiran, on peut dire aussi bien dans le caché, dans les choses qui sont cachées, aussi bien dans les choses qui sont apparentes. وَالتِّبَاعِ ou bien وَالتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ مُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Il a dit, et les gens du consensus aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la voie balisée par les précurseurs, parmi les émigrants et les auxiliaires. Parmi les émigrants et les auxiliaires. نعم واتباع وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, Cheikh Islam a dit, et observe, les gens du consensus observent à la lettre la recommandation du messager d'Allah alayhi salam, quand il a dit accrochez-vous à ma sunna et celle des califes orthodoxes et bien dirigés après moi, attachez-vous-y et ne la quittez pas, et ensuite méfiez-vous des innovations car toute innovation est cause d'égarement. Rapporté par Ahmed, Muslim, Ibn Majah, Nasa'i, bien sûr hadith authentique. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer. Il a dit, لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية شرع في ذكر طريقتهم العملية. Il a dit, lorsque Cheikh Islam alayhi rahmatullah a terminé de parler du comportement du genre de la tradition et du consensus en ce qui concerne le dogme et la aqida, maintenant Il a dit, Cheikh Islam a commencé à parler en ce qui concerne le comportement des gens du consensus et de la tradition avec ce qui a un rapport avec ce qu'ils font. Ce qu'ils font et ce qu'ils font dans le cachet et l'intime, c'est-à-dire la vie privée, la vie publique. Il a dit, lorsque Ibn Taymiyyah a dit, Ittiba' al-Athar, lorsque Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il fallait suivre les traditions, ou bien les, disons, l'athar, en arabe étymologiquement, c'est les traces du messager d'Allah, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire sa sunna. Bien sûr, et dans la sunna rentre même les choses qu'il ordonnait, qui étaient obligatoires. Al-Muhim. Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit, l'attiba' illa bi'ilm. Il a dit, il est impossible que quelqu'un suive le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'ait de science. On ne peut pas suivre, si on est jahil ignorant, on doit en suivre, on suit. Si on a de la science, c'est avec la science qu'on va suivre. Il a dit, Iden, thum harisun ala talab l'ain. Naam. Comment tu suis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne connais aucune de sa sunna, tu ne connais aucun hadith, naam, de sa vie, ni privée, ni publique. Donc, il faudrait quoi? Il faudrait apprendre, qu'est-ce qu'il y a comme hadith dans telle et telle chose pour pouvoir suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit donc, fahum harisun ala talab al-ilm. Donc, les gens du consensus, de la tradition, sont soucieux pour apprendre et pour la requête de la science. Liyarifu athar al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, thumma yattabi'unaha. Il a dit, ils sont soucieux d'apprendre. Pourquoi? Pour connaître d'abord ce qu'il y a. Naam, ce qu'il y a comme sunna, ce qu'il y a comme trace, si je puis dire, du messager d'Allah. Ensuite, pour la suivre, pour suivre naam, ce qu'ils ont appris du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fil aqidati, dans la aqida, le dogme, ou l'ibada, dans l'adoration, ou l'akhlaq, dans le comportement, ou da'wa ila Allah azza wa jal, et dans la prédication à Allah azza wa jal, da'wa ila Allah azza wa jal. يدعون عباد الله الى شريعه الله في كل مناسبات. Il a dit, les gens de la tradition et du consensus, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens à suivre le message que Allah Ta'ala a ordonné à son messager alayhi salam de propager aux gens. Il a dit, dans n'importe quelle circonstance, plutôt dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que Al-Sunna al-Jama'a ne rate pas les occasions. À chaque fois qu'il y a une occasion pour qu'ils apprennent aux gens une chose, ils la font. C'est-à-dire, si on est par exemple assis avec des gens, ensuite, on a vu par exemple une personne qui s'est trompée en une chose, on lui montre avec quoi? Avec douceur, avec hikma, avec gentillesse, on lui montre que le vrai, c'était de faire par exemple telle et telle chose et non pas telle et telle chose. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, on est dans une assise, on voit quelqu'un manger avec la main gauche. Non, on lui montre comme ça gentiment que la sunna, c'est de manger avec la main droite et que c'est interdit de manger avec la main gauche. Et on va citer le hadith où par exemple le messager d'Allah a dit que c'est le shaitan qui mangeait avec la main gauche et comme ça. Mais doucement, avec hikmah, non, avec sagesse. On ne brusque pas, on ne blesse pas. Sinon, la personne ne va pas accepter de nous. Non, aucune personne n'accepte d'être blessée dans son amour propre, surtout devant les gens. Même si elle reconnaîtra que tu as raison, elle ne va pas te suivre. C'est pour ça qu'il faut trouver comment parvenir à montrer à la personne, comment trouver l'occasion pour lui parler. Pour lui parler, comme j'ai dit, avec sagesse. Donc il a dit, donc il a dit, les gens de la sunna ne ratent pas les occasions pour propager ce din, cette religion, dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Walakinhum, mais attention, walakinhum la ikhbatuna khabta ashwa wa innama yad'una bi hikma. Il a dit, mais ils ne font pas cela, ils ne font pas la da'wa, disons, je cherche le mot, ashwa'iyan, c'est-à-dire sans qu'ils aient la science, sans que ça soit conditionné, sans que ça soit préparé, sans que yani, il voit la fin des choses, sans que il voit est-ce que ils vont blesser ou pas. Il a dit non. Il a dit il faut mais quand ils font la dawa, ils la font avec sagesse, avec sagesse. Et tabi'una athar rasoul sallallahu alayhi wa sallam fil akhlaq al hamida. Ils suivent les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fil akhlaq al hamida, dans le bon comportement. Fi mu'amalati an-nas bil lutfi wal lin. Donc ils suivent les traces du messager d'Allah dans le bon comportement, en ce qui concerne le fait de se comporter avec les gens. Il a dit bil lutf, avec douceur ou lin, ça fait la même chose, c'est-à-dire avec douceur, avec douceur, avec hikma. Wa tanzili kulli insanin manzilatahu. Il a dit les gens de la sunna donnent, disons, descendent chaque personne, mettent chaque personne dans son rang, dans son propre rang. Vous savez que, sûrement que, par exemple, vous êtes d'accord avec moi que quand je fais la da'wa à une personne simple comme moi, dans la rue ou dans la mosquée, c'est différent que lorsque je fais la da'wa, par exemple, à qui? Par exemple, au président de la République. Non, ce n'est pas la même chose. Ni à quelqu'un, par exemple, de très très riche. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'autre, la personne simple, naam, elle accepte facilement, et l'autre, naam, elle est difficile. Et yani, elle va se dire dans son cœur, ce n'est pas yani, cette personne-là qui va m'apprendre, etc. Donc, il faut avoir assez de sagesse, et assez de hikma pour yani, savoir à qui je m'adresse. Et quand je m'adresse à quelqu'un, par exemple, qui est âgé, ce n'est pas comme je m'adresse à quelqu'un qui est, par exemple, en bas âge. Et quand je m'adresse à quelqu'un qui a de la science, ce n'est pas comme je m'adresse à quelqu'un qui est ignorant. Ignorant, il faut patienter avec lui, il faut endurer, il faut lui donner des exemples. Non. Il faut yani, patienter s'il t'insulte. S'il t'insulte, si je ne sais pas ce qu'il te fait. Non. Quand tu parles avec quelqu'un de science, il faut savoir aussi que, quoi? Que c'est quelqu'un qui a de la science. Il ne va pas accepter de toi si tu vas te contredire ou dire n'importe quoi ou ne pas avoir de délire. Il va te dire, Bernie, tu es en train de te contredire. Et tu es en train de contredire les vérités qui viennent d'être prouvées par la technologie et comme ça. Donc, Bernie, tu vas te trouver toi-même, il va te prouver que tu es dans la faute. Aidan. Il a dit, et ils suivent aussi le messager d'Allah, fi akhlaqihi ma ahlih, dans son comportement avec sa famille. Fatajiduhum yahrisuna ala an yakunu ahsan an-nas li ahlihim. Il a dit, tu vas trouver yani, ces gens-là, tu vas les trouver comment? Les meilleurs avec leur famille. Pourquoi? Et anna an-nabiy alayhi as-salam yaqul khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahlihi. Il a dit parce que le messager d'Allah alayhi as-salam a dit les meilleurs de vous, ce sont les meilleurs avec leur famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. Hadith authentique. Il a dit, وَنَحْنُ لَا نَسْتَطِعُ أَنْ نَحْصُرَ آثَارَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ نَقُولُ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْخُلُقِ وَالدَّعْوَةِ. Il a dit, nous, on ne peut pas yani, connaître yani, tout ce qu'a dit le messager d'Allah, ou de tout ce qu'il a fait. Tout ce dont il est venu. Mais, il a dit, on va dire comme ça, généralement, en ce qui concerne la aqida et l'adoration et le bon comportement et la da'wa, il a dit, fil ibada, en ce qui concerne l'adoration, la yatashaddadun. La yatashaddadun. Dans l'adoration, d'un côté, la yatashaddadun, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire en français, la yatashaddadun, c'est le contraire d'être simple, de simplifier les choses. Ils sont pas durs. Ils sont pas durs, les ibadat, et c'est-à-dire ils vont exagérer. Ils vont exagérer. Mais en même temps, ils ne laissent pas yani, des choses aller comme ça. C'est-à-dire ils sont au milieu. Il a dit, mais ils suivent la meilleure des choses. Voilà ce qu'il a dit en ce qui concerne l'adoration. Il a dit, ils ne sont ni durs, yani, au point d'exagérer, ni ils laissent comme ça la chose sans faire leur adoration, mais ils suivent le milieu. Il a dit, il est même possible que, yani, les gens de la Sunna, il est même possible que, à cause des autres gens, à cause des autres gens, du comportement avec les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent quelques adorations et ne vont pas les faire. Il veut dire ici, par exemple, des adorations surérogatoires. Il est possible que, à cause de la maslaha, l'intérêt général et l'intérêt des gens, il est possible que tu ne fasses pas de temps en temps des choses, quoi, des choses qui sont d'adoration, mais qui sont seulement surérogatoires. Il a dit, كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها في المبال. C'est exactement comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui-même, qui des fois, il laissait Salat al-Nafila par exemple, Salat al-Nafila après Salat al-Dhuhr par exemple, il veut la faire et voilà des gens qui arrivent. Des gens qui arrivent, on est venu de loin, on est venu demander, on est venu cela. Il ne va pas les laisser, il va faire Salat al-Nafila. Mais il va leur parler, il va les écouter, il va leur montrer ce qu'ils doivent faire. Ensuite, Salat al-Nafila, même s'il va la rattraper après Salat al-Asr, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le message de Allah rattraper souvent les deux rak'at après le dhuhr, les rattraper souvent après salat al-asr à cause des gens, à cause des gens. Naam. Mais vous savez ce qui est arrivé à Jurayj, la personne qui était dans un minaret et faisait la salat, il ne s'arrêtait pas de faire la salat. Quand sa mère est venue lui dire Jurayj, il a dit, qu'est-ce que Dieu fait, je continue la salat ou bien je réponds à ma mère, continue ma salat ou bien je réponds trois fois. Et il a décidé de continuer la salat et de laisser sa mère pour après. Et vous connaissez l'histoire, elle a fait des doigts contre lui et il lui est arrivé beaucoup de malheur. Non. Pourquoi? Parce que répondre à la mère est une chose obligatoire. Et continuer et faire la salat nafila n'est pas une chose obligatoire. Si tu fais nafila, tu as des hasanat. Si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché devant Allah Ta'ala. Mais si tu ne réponds pas à ta mère, tu auras des péchés. Non. Il a dit, donc, les gens du consensus et de la sunna suivent le messager d'Allah. Il a dit, batinan wa zahiran, dans ce qui est caché et dans ce qui est apparent. Il a dit ici, Cheikh Ibn Uthaymeen al-Rahmou, lorsqu'Ibn Taymiyyah al-Rahmatullah a dit, batinan wa zahiran, ce qui est caché et ce qui est apparent, il a dit, ces choses-là, yani le fait que la chose soit cachée ou apparente, c'est une chose relative, amrun nisbi. C'est une chose relative. Zahiran fima yadhharu linnas, il a dit apparent en ce qui apparaît aux gens, wa batinan fima yusirunahu bi anfusihim, et caché en ce qui concerne ce qu'ils cachent dans leur fort intérieur. Zahiran fil a'mal adh-dhahira, il a dit apparent dans les actions apparentes, au batinan fi a'mal qulub, et caché dans les actions du cœur. Les actions du cœur. Fait mathalan, il va donner des exemples. Mathalan, il a dit, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ou le khawf, la crainte d'Allah, ou le raja, l'espoir, ou l'inaba, le fait de revenir vers Allah, ou le mahabba, l'amour d'Allah, ou ma ashbah dhalika, et ce qui rassemble à ces choses-là, hadih min a'mal qulub, ces choses-là, ce sont des actions du cœur. C'est le cœur qui craint, c'est le cœur qui revient vers Allah, c'est le cœur qui aime, c'est le cœur. Donc, ce sont des choses, des actions que fait le cœur. Il a dit, les gens de la Sunna font ces choses, hein, en essayant de les parfaire, de les parfaire. Quant à la salat, il a dit par exemple, la salat, qu'est-ce qu'elle a? Fiha al-qiyam, on se met debout, on s'assoit. On fait l'inclinaison, l'inclination. On fait la prosternation. Il a dit la même chose. Il y a l'aumône, il y a le hajj, le siyam. Toutes ces choses-là, ce sont des actions qui sont des actions apparentes. Ce sont des actions apparentes. ثم اعلم ان اثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام او ثلاث اقسام او اكثر. Ensuite, il a dit, sache que tout ce que fait le messager d'Allah, se divise en trois groupes ou bien plus. Et voilà, inshallah ta'ala, c'est là que vraiment va commencer le dars. Et c'est très important, inshallah ta'ala, ce que je vais dire maintenant. Si celui qui, Allah ta'ala, l'aide et lui fait comprendre ce que je vais dire maintenant, il va comprendre beaucoup de choses, bi'izna azzawajal, beaucoup de choses. Sortir de l'ignorance et yani, pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, yani, sur science, bi'izna azzawajal. Il faudrait juste un peu de méditation, na'am, et faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne sa religion et qu'on ne soit pas yani, dans l'égarement, comme les chiites, les takfiriyins, les tabjirs et la clique. Al-Mu'im. Sachez que, ce que fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne sort pas de l'une des six sortes que je vais citer. Tout ce que fait le messager d'Allah alayhi wa sallam ne sort jamais de l'une des six sortes que je vais citer. Je vais vous citer d'abord les six sortes, ensuite, yani, donner à chaque sorte ce qu'il lui faut comme temps pour que vous compreniez bien bi'idhna azzawajal. Le messager d'Allah alayhi wa sallam, des fois, il fait des choses qui sont propres à lui, que personne ne peut limiter dans ces choses. Il fait donc des choses particulières. Secondo, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait des fois des choses, yani des choses naturelles. On va voir quel est son jugement. Troisièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait des fois des choses sans le vouloir. Quatrièmement, des fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait des choses, na'am, qu'il désire faire. Comme, bon, allez, je vais donner les exemples. Cinquièmement, et c'est très important, des fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait des choses par habitude, qui ont rapport avec l'habitude. Et enfin, sixièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait des fois des choses par adoration. Donc on a six choses, je répète, où là on va commencer par la première chose. La première chose, ce que fait le messager d'Allah alayhi wa sallam, il y en a par particularité et qui est particulier à lui. C'est pour ça que, yani, quand le messager d'Allah alayhi wa sallam fait une chose, on ne peut pas dire directement, yani, il faut faire cette chose. Pourquoi il faut faire cette chose? Il te dit parce que le messager d'Allah l'a faite. On lui dit attention, doucement, on va voir pourquoi il l'a faite. Naam, elle rentre dans quelle sorte? Il ne va pas me dire que le messager d'Allah s'est marié avec 9 ou bien 12 femmes. Je vais me marier avec 9 ou 12 femmes. Il va me dire parce que c'est lui qui a fait ça. Donc c'est une sunna. Je vais dire attention, mais cette chose est particulière à lui, est propre à lui. Au contraire, si tu vas te marier avec plus de 4, tu vas avoir des péchés. Et même si tu dis que non, c'est pas vrai, c'est permis plus de 4, ou bien tu es un grand djehel, ou bien tu es kafir. Si tu n'es pas djehel, c'est que tu es kafir. Donc, il faut, avant de dire que je dois suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, na'am, je vais le suivre, mais sachant, laissez-moi d'abord savoir la chose que je veux faire, ou que tu me pousses à faire, rentre dans quelle sorte? Des six sortes qu'il y a. Et chaque sorte a son propre jugement. Chaque sorte a son propre jugement. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi, inshallah ta'ala, et qu'il n'y a pas de problème? Vous m'entendez, inshallah? Est-ce que vous êtes avec moi et qu'il n'y a pas de problème? Alhamdulillah. Nous attendons, inshallah, dans l'inspect. Alhamdulillah. Donc la première des choses, ce que fait le messager d'Allah, yani, et qui lui est particulier. Son jugement, c'est quoi? Son jugement, c'est que il est interdit de suivre le messager d'Allah dans ce qui lui est particulier. Je donne comme exemple, le messager d'Allah a épousé plus de 4 femmes. Il est mort, il a laissé 9. Il a épousé en tout 13 à peu près. Donc, c'est une chose particulière à lui. Personne n'a le droit de limiter en cette chose. Et on a montré pourquoi lui, il a le droit d'épouser plus de 4. Ce n'est pas à cause des tentations, ni des désirs, ni des shahwa. Mais, comme je l'ai montré plusieurs fois, à cause d'eux, il doit se marier avec beaucoup de femmes dans beaucoup de tribus pour unir les tribus entre elles. Non, il y a deux tribus qui se font la guerre et qui ne se parlent pas depuis des décennies. C'est comme ça chez les Arabes. Ils sont connus pour la vengeance, etc. Lui, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va épouser une fille de cette tribu, une fille de cette tribu, et les deux tribus sont devenues ses gendres. Ça y est, les deux tribus, c'est sa famille. Et la famille, c'est impossible qu'ils soient en guerre. Donc, ils vont s'unir et se réconcilier, bien azawj. Ça y est. Quand par exemple, quoi? Quand par exemple, le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se marier sans dot. Se marier sans dot. Est-ce que quelqu'un de nous peut se marier sans dot? C'est pas possible. Non, c'est une condition du mariage. Comme, par exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait des jours et des jours. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peut jeûner jusqu'à, par exemple, 15 jours consécutifs, jour et nuit. Il ne s'arrête pas. Alors que nous, si on faisait ça, on rentrerait dans l'interdit. Il nous est interdit de jeûner le jour et la nuit. Sauf, c'est quoi? Si on veut jeûner du matin, du fajr, jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Sahar. Jusqu'à, par exemple, minuit, jusqu'à 1 h du matin, 2 h. Non. Mais quelqu'un qui veut continuer jusqu'à ce que rentre de nouveau salat al-fajr, celui-là rentre dans le péché, c'est interdit. Non. Donc le fait de jeûner jour et nuit, c'est une chose particulière au messager d'Allah. Celui a le droit de la faire. Nous, on ne peut pas dépasser, il y en a 2 h du matin ou 3 h. Il ne faut pas que l'autre jour commence, sinon on rentre dans le péché. Pourquoi le messager d'Allah, il a le droit de faire cette chose? Parce que lui, il a expliqué, il a dit, Abitu inda Rabbi. Abitu inda Rabbi. Il a dit, je ne suis pas comme vous. Il a dit, moi, si je puis dire, je vais traduire à peu près de ma tête. Il a dit, c'est-à-dire, je dors chez Allah, mais c'est pas dormir chez Allah au-dessus du trône. Non, c'est-à-dire que mon cœur est toujours rempli de patience, rempli de sagesse, rempli. Je n'ai pas besoin, comme vous, de manger et de boire. Je peux subvenir. Et ça, c'est une chose propre au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toujours cette liaison entre lui et ce qui descend d'Allah, azzawajal, de sagesse, d'amour, de haine, au point où c'est ça le vrai manger. On n'a plus besoin de manger. Et d'ailleurs, vous remarquez, même vous, subhanallah, même moi, quand on a la douceur de la foi et on sent la foi qui monte, et on sent, si on prend un livre, par exemple, on commence à lire ou à écouter un dos, on n'a plus envie de manger si on nous appelle à manger, ou là on dit laisse-nous, attends, je termine, attends ceci. Tellement Yannick, tu es béni, tellement tu es dans la chose, tu la préfères à toute chose. Non, la douceur de la foi. Alors, elle dit par rapport à nous, imaginez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il doit ressentir dans son cœur. Non. Donc, premièrement, en ce qui concerne ce qui est particulier à lui, il est interdit d'imiter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, en ce qui concerne ce qui est naturel, ce qui est naturel, le Cheikh Lahmou va dire, Cheikh Ben Othaymin Lahmou va dire ici, ma fa'alahu bi muqtada al-jibilla wa tabi'a. فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. Il a dit, ce que, voilà son jugement, le jugement de ce que fait le messager d'Allah en ce qui concerne les choses naturelles. Le cheikh a dit, ça n'a rapport ni avec l'ordre, ni avec nahy, ni avec que, qu'on te dise ne fais pas des choses naturelles, ni on te dit fais-les, ni on te dit, ne les fais pas. Il a dit, exemple, non. Exemple, le fait de dormir. Exemple, le fait de manger. Exemple, nam, shorb, le fait de boire. Est-ce que, Allah Ta'ala, ou là, son messager, il va te dire mange, ou là, va te dire bois, ou là, va te dire dors. Ce sont des choses naturelles que tout le monde fait quand il en a besoin. Moi, je dors quand j'ai besoin. Toi, tu dors quand tu as besoin. Moi, je mange quand j'ai envie. Toi, tu manges quand tu as envie. Et comme ça, c'est ça le jugement. Non. Donc il a dit ces choses-là, comme dormir, manger, boire, ce sont des choses que le messager d'Allah a fait, qui ont rapport avec les choses naturelles. Donc ça ne comporte ni exhortation à le faire, ni exhortation à le délaisser. Lakin, mais voilà une chose importante, lakin, قد يطلب أن يكون على شكل معين أو على صفة معينة. Mais des fois, le fait de dormir, le fait de manger, le fait de boire, des fois, il y a dans notre charia, dans notre islam, certaines choses dans le manger, le boire et le dormir, qui sont recommandées ou bien qui sont déconseillées. Il a dit, dans ce cas, s'il y a des choses dans ces choses naturelles, s'il y a des choses dans ces choses naturelles où yani, il nous est demandé de les faire ou bien de s'en délaisser, il a dit, dans ce cas, ça devient ou bien obligatoire de les faire ou bien mustahab, seulement conseillé de les faire, ou bien obligatoire de les délaisser, ou bien, yani, makruh. Makruh. Non. Il va donner quelques exemples. Fennoumou matalan. Le fait de dormir, c'est une chose naturelle. Non. C'est une chose, yani, seulement naturelle. Mais, par exemple, si tu dors sur le flanc droit, ça devient quoi? Ça devient quelque chose que Allah Ta'ala aime, que l'islam aime. Parce que le messager de l'Allah, dormez sur le flanc droit, et nous a appris que la sunna c'était de dormir dans le flanc droit. La même chose, dhikr Allah. Quand quelqu'un va dormir, il dit par exemple, Bismillah, Allahumma bismika wada'tu janbi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsalta, fahfadha bima tahfad bi ibadaka salihin. Ou bien dire, et le cours, c'est quand tu dors. Ou bien faire tisbih, subhanallah, ilhamdoulilah, subhanallah, 33 fois, ilhamdoulilah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. Par exemple, ça aussi, ça rentre dans quoi? Dans les fêtes, dans les choses conseillées. Alors que le fait de dormir en lui-même, c'est une chose seulement naturelle. Mais regardez, il comporte des choses qui sont conseillées, des choses, par exemple, qui sont déconseillées. J'ajoute ici, par exemple, le fait de dormir sur son ventre. Ceci, par exemple, est une chose déconseillée. Et c'est interdit de dormir sur son ventre, sauf bien sûr si, par exemple, on est malade et que je dois dormir dans cette position, ou bien je suis paralysé et je n'ai que cette position, par exemple. Sinon, yani, je vais dormir et je vais dire, je vais dormir sur mon ventre. C'est interdit, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un dormir sur son ventre. A vu quelqu'un qui dormait sur son ventre. Il lui a dit, cette façon de dormir, Allah Ta'ala la déteste. Inna hadihi daj'atun yubridu Allah. Cette façon de dormir, Allah Ta'ala la déteste. Yani irtija' ala al-batn. Vous trouvez ça dans Sahih al-Jami' du Sheikh al-Albani, hadith numéro 2271. Ça, c'est par exemple par rapport au dormir. Maintenant, par rapport au manger, qui est aussi une chose naturelle. Personne ne nous a ordonné comment qu'on dort ou là, qu'on doit dormir ou là. Mais, en règle générale, maintenant on parle de manger. Manger est une chose naturelle. Mais, on va dire la même chose, s'il y a des choses qui nous montrent que il faut, par exemple, ne pas manger cette chose, alors ça devient interdit. Ou bien, qu'il ne faut pas manger à telle heure. Par exemple, quand on fait siyam, alors ça devient obligatoire de ne pas manger, interdit de manger. Ou bien, par exemple, qu'on doit manger avec la droite, alors ça devient obligé de manger avec la droite. Ou bien, qu'il est interdit de manger avec la gauche, alors ça devient obligé de manger avec la gauche. Ou bien, qu'il est de la sunna de dire d'abord bismillah, alors ça devient de la sunna de dire bismillah. Et qu'il est de la sunna de dire alhamdoulilah quand on termine. Et que, par exemple, on ne boit pas debout. Et que, par exemple, on ne respire pas à l'intérieur du verre ou là, du bocal. Non. Et que c'est de la sunna de diviser le fait de boire en trois coups et de ne pas boire d'un seul trait. Non. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, le fait de manger, qui était lui-même une chose naturelle, est devenu maintenant une adoration. À cause d'eux, il comporte des choses conseillées, des choses déconseillées. Donc il a dit, voilà, c'est ça le résumé, il a dit, par exemple, il a dit le fait de se réveiller pour manger le sahur, pour manger le sahur. Il a dit, Maintenant, c'est une chose, yani, qui se rapporte avec le manger et le boire. C'est une chose naturelle. Yani, le conseil du messager d'Allah de le faire, donc il a dit, ça devient conseillé. Il a dit, le fait de manger en général, c'est yani, c'est une chose naturelle. C'est à toi de voir si tu manges, si tu manges pas et combien tu manges et quand tu manges. Il a dit, mais maintenant, si tu sais que en mangeant beaucoup, tu vas avoir mal, tu vas avoir mal, alors le fait de manger beaucoup, ça devient haram. Non. Et il a dit, on peut prendre aussi un exemple de quelqu'un, par exemple, il a dit qu'il est malade du diabète. Alors, le médecin lui a dit, ne mange pas le sucré. Alors ici, on va dire à cet homme, on va dire à cet homme, si maintenant, après avoir entendu le médecin te dire, ne mange pas le sucré, et tu vas le manger, tu es rentré dans le haram et tu vas avoir des péchés. Pourquoi? Parce que ça va te faire mal. Et le messager d'Allah a dit, la darar wa la dirar. Le messager d'Allah a dit, il n'y a pas de mal. Alors toi, tu t'es fait du mal. Donc ça, c'est quoi? Tout ça, c'est deuxièmement. Donc premièrement, ce qui est particulier au messager d'Allah, c'est interdit de le suivre, de l'imiter. Deuxièmement, ce qui est chose naturelle, comme manger, boire et dormir, ces choses-là, en général, ne comporte ni exhortation à les faire, ni interdiction de les faire. Mais si certaines d'entre elles, certaines choses d'elles, yani, contiennent des choses conseillées ou d'être déconseillées, il faut yani, les prendre en considération. Il faut les prendre en considération. Maintenant, on passe au troisièmement. Ce que fait le messager d'Allah, sans qu'il le veuille. Yani, sans qu'il le veuille. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez bien compris les deux choses à deux? Fadwal, donnez-moi la robe, si vous avez, inshallah ta'ala, compris. Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. Maintenant, troisièmement, ce que fait le messager d'Allah, si je puis dire, yani, faut que je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais je vais dire à peu près. Hein. Mais, inshallah ta'ala, vous allez comprendre. Ce que fait le messager d'Allah, c'est-à-dire le messager d'Allah, des fois, yani, attendez, yani, fait la chose sans qu'il la veuille. Sans qu'il la veuille. Je donne un exemple, je donne un exemple. Par exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait un voyage. Bon, fait un voyage. Il est arrivé, par exemple, dans un endroit, non, par exemple, il a eu envie d'uriner, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le fait d'uriner ici, c'était préparé, c'était dans son esprit, c'était, ou là c'est venu comme ça? C'est venu comme ça. Non, on appelle ça en arabe ittifaqan, ittifaqan. Non, ce n'était ni préparé, ni, c'est venu comme ça. Non. Par exemple, il était en voyage, il est arrivé dans un endroit aussi, par exemple, c'est l'heure de la salate. C'est l'heure de la salate, par exemple, où là il est 10 h du matin. Il est arrivé dans un endroit, il a dit, ici il y a un peu d'ombre par exemple, je vais faire Salat Doha par exemple. Salat Doha. Est-ce que c'est une chose préparée? Non, ce n'est pas préparé. Il a vu de l'ombre, il a dit, je vais faire Salat Doha ici devant cet arbre par exemple. Non. Ce sont des choses qu'il a fait, ittifaqan, on dit en arabe ittifaqan, sans qu'il le veuille. Ici, c'est quoi son jugement? Son jugement, c'est que tous les savants, même tous les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, sont unanimes pour dire qu'ici, il n'y a pas d'imitation. Il n'y a pas d'imitation. Car le messager d'Allah a fait ces choses sans vouloir yani, les faire. Quand je dis sans vouloir les faire, bien sûr, il a voulu faire ça à Doha. Mais il n'a pas dit, il n'a pas choisi l'endroit. Il n'a pas choisi l'endroit. Pourquoi je dis comme ça? Parce que un seul compagnon, un seul, qui s'appelle Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, c'était le seul qui voulait imiter le messager d'Allah, même dans ces choses. C'est-à-dire, s'il était en voyage et il arrivait par exemple à cet arbre, ou le messager d'Allah, par exemple, devant cet arbre, a fait Salat al-Doha, Abdullah ibn Omar descendait et disait, moi je vais faire Salat al-Duha ici, parce que le message d'Allah l'a fait ici. Et même si c'est par exemple question d'uriner, c'est-à-dire le message d'Allah a uriné devant cet arbre. Moi je vais devant cet arbre et je vais uriner comme lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tous les savants, même son père, Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire son père, Omar ibn Khattab, Naam, n'était pas d'accord avec lui dans cette chose. Il disait que dans cette chose, il n'y a pas d'imitation. Ce sont des choses que le message d'Allah a fait spontanément. Ce sont des choses que le message d'Allah a fait spontanément. Il ne les a pas, si je puis dire, préparés pour les faire, ni pensé à les faire, ni comme ça. Donc ça, c'est le troisième mot. Le troisième mot, ce que fait le messager d'Allah spontanément. Ces choses-là, tous les sahabas sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas d'imitation dans ces choses. Il n'y a pas d'imitation dans ces choses. Quatrièmement, ce qu'a fait le messager d'Allah par désir. Qu'est-ce que ça veut dire ici par désir? Je veux dire par là, j'entends par là, par désir, yani de nefs, yani dans son âme, il a voulu ça, il a désiré la chose. Par exemple, le messager d'Allah aimait beaucoup le miel, aimait beaucoup les choses sucrées, aimait beaucoup les courgettes, voulait manger les courgettes, aimait beaucoup l'eau froide, désirer ces choses. Donc, ce sont des choses qui ont rapport avec le manger. Est-ce que le fait d'imiter, est-ce qu'il est demandé d'imiter le messager d'Allah dans ces choses? Et de dire, donc moi aussi, je vais manger les choses sucrées. Moi aussi, je vais manger le miel. Moi aussi, je vais manger les courgettes. Moi aussi, je vais boire l'eau glacée comme ça. Les savants ont dit, ces choses-là, dans ces choses-là, on n'est pas obligé d'imiter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car il est possible que quelqu'un, par exemple, n'aime pas les courgettes. Entre parenthèses, moi qui vous parle, je suis le premier qui n'aime pas les courgettes, par exemple. Donc, dans ce cas, si on est obligé de l'imiter dans ces choses et quelqu'un n'aime pas cette chose, il ne peut pas la manger, donc il aura des péchés. Alors, c'est pour ça que les savants ont dit que, dans ces choses-là, ces choses-là, celui qui les fait, ça va, si je puis dire, ça va l'aider à aimer le messager de là plus. Ça va t'aider à aimer le messager de là plus que yani, les autres. C'est pour ça que Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'aimais pas les courgettes, mais je voyais le message de là, quand il me posait à manger, il cherchait où sont les courgettes et il commençait à en manger. C'est-à-dire, par exemple, si on lui donne du couscous, par exemple. Par exemple, c'est un exemple. Du couscous avec des courgettes. Il cherche où il y a la courgette. Ce côté, de ce côté, de ce côté. Et il la mange. C'est pour ça que les savants ont dit, le hadith dit quoi? Le hadith dit qu'en général, tu dois manger, kul mimayalik. Tu dois manger de ton côté. Tu ne vas pas manger du côté de l'autre personne qui est assise en face de toi. Ils ont dit, mais à condition quoi? À condition que de mon côté, il y a aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Si on va mettre, par exemple, dans du couscous, on va mettre de la viande seulement du côté de l'autre et pas de mon côté. Dans ce cas, il est permis que je prenne de l'autre côté pour partager avec lui. C'est pour ça que le message est là, quand les courgettes n'étaient pas de son côté, il cherchait de l'autre côté. Naam. El-Muhim. Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais quand j'ai vu le messager d'Allah qu'il aimait les courgettes et qu'il les suivait comme ça, il les suivait dans le plat, il a dit, moi aussi, j'ai commencé à manger les courgettes. Naam. Et moi aussi, moi qui vous parle, je vous dis que je n'aime pas les courgettes, mais quand elles sont dans le couscous ou là, naam, je préfère en manger, même si je ne les aime pas, pour faire comme a fait Anas radiallahu ta'ala anhu. El-Muhim, ça c'est dans. Donc, ce que fait le messager d'Allah avec désir. Désir, c'est-à-dire de manger et de boire, ce qui a rapport avec la nourriture. Cinquièmement et sixièmement. Cinquièmement et sixièmement, ce sont les choses les plus importantes, bien sûr. Cinquièmement, ce que fait le messager d'Allah par habitude. Ce que fait le messager d'Allah par habitude. Et quand je dis par habitude, ce n'est pas comme dormir et manger et boire. Là, c'était premièrement, c'était des choses naturelles. Maintenant, non, ce sont des choses qu'il fait, à l'essentiel qu'il faisait par habitude. Donc, ce que fait le messager d'Allah, ce qu'il faisait par habitude, est-ce que nous aussi, on doit le faire ou on ne doit pas le faire? Écoutez la réponse du cheikh Ali Rahmatullah. El-Jawab, An-Nasifahu bi-annahu mubah. Ce qu'a fait le messager d'Allah, alayhi sallam, par habitude, on doit dire que quoi? On doit dire que c'est une chose permise, c'est tout. Il a dit, c'est une chose permise. Mais est-ce qu'on va dire que c'est une sunna? Par exemple, le messager d'Allah mettait le turban sur la tête. Est-ce qu'on va dire c'est permis de mettre le turban? Ou bien on va dire c'est sunna de mettre la turban? Si on dit c'est sunna, ça veut dire c'est conseillé. Ça veut dire que tu as des ajr, tu as des hasanat, tu as des récompenses en mettant le turban. Non. La réponse, Cheikh Lahmoud dit, laysa bi sunna. Il a dit, ce n'est pas une sunna le fait de suivre le messager d'Allah dans ses habitudes. Mais la sunna, bel sunna, fi'lul adati fil makan ladhi anta fih. Mais la sunna, c'est de faire quoi? C'est de faire l'habitude dans l'endroit où tu es toi. C'est pas dans ce que faisait le messager d'Allah, mais dans l'endroit où tu es toi. Ou zaman ladhi anta fih. Et c'est dans l'espace de temps, yani, où tu es toi, où tu vis maintenant. Maintenant, par exemple, tu es en 2009, tu vois où tu es, dans quel pays et comment les gens de ton pays s'habillent. Ensuite, tu vas t'habiller comme eux. Ma lam tukhalif shara. À condition que les habits du pays où tu es, les habits que mettent les gens dans le pays où tu es, dans le moment où tu es maintenant, à condition que ces habits ne soient pas interdits par la religion. Si quelqu'un va dire, une femme va dire, toutes les femmes maintenant, je sors dans la rue, elles sont en mini-jupe. On va leur dire, mais la mini-jupe est interdite en islam. Tu n'as pas le droit de la mettre parce qu'elle est interdite en islam. Il va dire ici, il a dit, et c'est pourquoi si quelqu'un va nous dire, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux maintenant? Qu'est-ce qui est mieux maintenant? De mettre une cape et un izar. Dites-moi, comment on dit izar en français? Comment on dit, il y a izar et rida. Vous savez ce que c'est rida? Rida, c'est la cape. Et izar, quelque chose qu'on met qui, des hanches qui descend vers en bas, des hanches vers en bas, que mettent les hommes, que mettait le messager d'Allah, alayhi sallam. Ça a un nom, mais je l'ai oublié. Même, vous voyez en Bangladesh, où là, vous voyez des hommes mettre quelque chose sur la poitrine, ça s'appelle rida. Et l'izar, c'est quelque chose comme un drap, un pagne. Un pagne, jazakallahu khair. C'est ça, le pagne. Donc, Cheikh Al-Ahmoud dit, qu'est-ce qui est mieux de nos jours? C'est de mettre, par exemple, une cape et un pagne et imama, un turban sur la tête, ou bien de mettre un kamis et un pantalon et rotra. Rotra, c'est ce que mettent les Saoudiens et aux Émirats arabes, etc. Le truc là, rouge, rouge, qu'on met sur la tête. Le truc rouge, des fois il est blanc, des fois il est rouge. Comme en Palestine, ils mettent quelque chose, par exemple, qui est rouge sur la tête, avec des trucs noirs ou là blancs. Il a dit, qu'est-ce qui est mieux? Donc de mettre le pagne, comme mettait le messager d'Allah avec une cape, de nos jours, ou bien de mettre, par exemple, il a dit, le kamis et le pantalon arabe, et le truc rouge sur la tête. Il a dit, le jawab, la réponse, c'est de dire, de mettre le quoi? Le kamis, le pantalon et le khima sur la tête. Pourquoi? Il a dit, فَالسُنَّةُ فِي اللِّبَسْ تَكُونُ فِي الْدِينِ أَوْ النَّوَى لَا فِي الْعَيْنِ. Il a dit, la sunna dans les vêtements, la sunna dans les habitudes, comme les vêtements, c'est de dire, par exemple, que le messager d'Allah, alayhi sallam, en son temps, s'est habillé, yani, d'après l'habitude de sa tribu, d'après l'habitude des gens qui vivaient avec lui. Or, la sunna, donc, c'est de t'habiller d'après les gens avec lesquels tu vis, à condition que ça ne soit pas haram. Je donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, va vivre au Sahara, par exemple, au Sahara, donc la sunna, c'est de s'habiller comme eux. C'est de mettre, par exemple, un burnous et de, par exemple, mettre quelque chose comme ça sur la tête, yani comme un turban, quelque chose sur le visage, par exemple, ne laisser que les yeux qu'on voit à cause du soleil, etc. C'est de s'habiller comme eux. Si tu vas en Arabie Saoudite, la sunna s'habiller comme eux, de mettre le kamis et de mettre le truc là. Si tu vas, par exemple, dans un autre pays où ils s'habillent d'une autre façon, la sunna alors, c'est de s'habiller comme eux, tant que ce n'est pas interdit par l'islam, tant que la chose que tu mets n'est pas interdite par l'islam. Non. وذلك بأن يكون الإنسان موافقا للعادة في لباسه وهيئته. Il a dit, la sunna, c'est de concorder avec l'habitude des gens, l'habitude du pays où tu vis, dans tes vêtements et dans disons, dans ton extérieur, dans ta forme extérieure. لأنه لو خالف العادة صار لباسه شهرة. Il dit, parce que maintenant, s'il va quoi? S'il va, yani, comment on dit le mot? S'il va, yani, se différencier des gens dans leurs habitudes, dans leurs vêtements, il va rentrer dans quoi? Dans la réputation. Et le messager d'Allah a interdit de mettre un vêtement de réputation. Il a dit, quiconque va le mettre, l'homme qiyama, Allah Ta'ala va lui mettre en feu et quelque chose comme ça. Non. Pourquoi? Parce que déjà, dès que tu t'habilles pas comme eux, déjà, on va tous te remarquer et te montrer du doigt. On va dire, regardez la personne là-bas, regardez. Et toi, bien sûr, tu vas te sentir pas comme les autres, ou bien tu vas sentir des choses dans le cœur, ou bien la gêne, ou bien l'embarras, ou bien l'orgueil, ou bien tu vas te sentir que tu es mieux que tout le monde, ou bien je ne sais pas ce qui va se passer. Et le moyen, tu es devenu réputé. Tu es devenu réputé. Tant que quoi? Tant que les habits qu'ils mettent ne sont pas interdits. Ne sont pas interdits. Écoutez ce que dit Cheikh Ben Othaymin Rahmo. L'ennana, ou in lam natayqan. Il a dit parce que, et même si on n'est pas certain, écoutez bien ce qu'il dit, il a dit parce que, pourquoi, il a dit pourquoi je dis tout cela, il a dit parce que, et même si on n'est pas certain, mais je suis presque certain, il a dit, mais je suis presque certain, que les gens, il a dit, mais je suis presque certain, que si les gens, au temps du messager d'Allah, n'aiment, que si les gens mettaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on met aujourd'hui, ce qu'on met aujourd'hui, il a dit, je suis presque certain que le messager d'Allah alayhi wa sallam alors aurait mis ce qu'on met aujourd'hui. Il a dit, le messager d'Allah mettait le qamis et mettait ce qu'il mettait, pas parce que Allah Ta'ala lui a dit de mettre cela, mais parce que les gens de où ils vivaient, s'habillaient comme ça. Alors le message de là, c'est habillé comme eux. Il a dit, et c'est pour ça, je suis presque sûr, Chirbilotémine dit, je suis presque sûr que si, au temps du message de là, les gens s'habillaient comme nous, alors le message de là, ce serait habillé comme nous, de nos jours. Non, il a dit, à condition bien sûr, qu'il n'y ait pas une chose de haram, ni une chose qui soit vraiment de la ressemblance des kuffars, comme la cravate, etc. Al-Muhim. ومما يتعلق باللباس مع انه من الامور العاديه ان الانسان اذا لبس يبدا بإدخال اليمنى واذا خلع يبدا باخراج اليسرى لان il a dit et ce qui a rapport avec les habitudes bien sûr c'est aussi ce qu'on a dit tout à l'heure par exemple s'il va mettre quelque chose un vêtement il a dit la sunna alors qu'il commence de le mettre avec la droite et s'il sort il commence à sortir d'abord la gauche. Hein, quand on met par exemple un pantalon, on commence par la droite. Et quand on sort par exemple un pantalon, on commence à sortir par la gauche. Pour que le pied droit, ou la droite, soit la première à être mise et la dernière à être enlevée. La même chose pour les chaussures. Je commence par le pied droit, je le mets dans la chaussure. Et si maintenant je vais enlever, je commence par enlever le pied gauche. Pourquoi? Pour que le pied droit soit le premier à être chaussé et le dernier à être déchaussé. Non. Il a dit, il a dit, mais bien sûr, si l'habitude est interdite, hein, le vêtement est interdit, alors là, il a dit, bien sûr, on ne peut pas le mettre. Ensuite, il a cité, par exemple, comme par exemple, il a dit, le fait de mettre, par exemple, pour l'homme, le pantalon qui descend au-dessus des chevilles. Il a dit, il y a le hadith, من جرى ثوبه خيالا, etc. ما أسفل من كعبين من الإزار فهو في النار Il a dit, on va pas dire, par exemple, l'habitude des gens aujourd'hui, c'est qu'ils mettent, par exemple, des pantalons au-dessus des chevilles. Et vous dites, la sunna, c'est de suivre l'habitude. Or, donc, je vais mettre mon pantalon au-dessous des chevilles. On lui dit non, parce qu'il y a le hadith. Il y a le hadith qui t'interdit. S'il n'y avait pas le hadith, il te serait conseillé de suivre, yani, les gens avec lesquels tu vis. Il a dit, Amma ma'tadahu an-nas, quant à ce que les gens ont pris l'habitude de mettre, des choses qui sont permises. Fa inna sunna, la vraie sunna, an yattabi' al-insan fi al-'ada. La vraie sunna, c'est de suivre l'habitude, l'ada, l'habitude des gens. Fa libasu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les vêtements du messager d'Allah alayhi wa sallam, al-imama, le turban, ou l'izar, naam, le pani, ou rida, la cape, kana ala sabil al-'ada. Le messager d'Allah l'a mis, pourquoi? Il l'a mis parce que le messager d'Allah a trouvé par habitude que les gens, yani, avec lesquels il vivait, le mettaient. Fala yakunu matlouban bi'aynihi. Donc, ce n'est pas cet habit, naam, que, yani, nous, on est obligé de suivre. Wa innama yakunu matlouban bi-jinsihi. Mais ce qui, par rapport à nous, yani, est conseillé, c'est de voir les gens avec lesquels tu vis, comment qu'ils s'habillent. Tant que ce n'est pas haram. Naam. Il a dit ici aussi, il a terminé, il a dit. Par exemple, le messager d'Allah avait l'habitude de mettre une bague. Et le messager d'Allah avait l'habitude de laisser pousser ses cheveux. Est-ce que il a dit, il est de la sunna de mettre une bague, naam, ou bien de laisser pousser ses cheveux? Al-Ijaba, réponse. يجب أن تعلم il faut que tu saches أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة que il faut que tu saches que ce que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a fait par habitude فإن السنة la sunna là c'est quoi أن تتبع عادة بلدك la sunna est de suivre l'habitude de ton pays إذا لم تكن محرمة à condition que ça soit pas محرم pourquoi parce que le messager d'Allah a suivi les habitudes de son pays hein, il a ouvert les yeux. Il a vu qu'à la Mecque, il s'habillait ainsi. Il s'est habillé comme eux. Mais il a levé, par exemple, le qamis au-dessus de quoi? Au-dessus des chevilles. Il n'a pas dit, je fais comme eux en toutes choses. Mais en général, il fait comme eux. S'il y a le haram, et c'est loin du haram. Naam. Wa laysa sunnatu fi ayni ma fa'alahu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, la sunna, ce n'est pas que tu fasses exactement ce qu'a fait le message là en son époque, lui. Mais que tu fasses toi en ton époque. Et pas que tu suives les gens qui l'ont suivi, mais que tu suives les gens qui sont avec toi. Naam. فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ بِمُقْتَدَى الْعَادَةِ Il a dit, donc si le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a fait ça par habitude, فَإِنَّ السُّنَّةِ, donc la sunnah, أَنْ تَفْعَلْ, que tu fasses toi aussi ce que demande l'habitude. L'habitude en ton temps. L'habitude, maintenant, dans ton temps. مَا لَمْ تُخَالِفْ النَّاسِ, à condition que ça ne se contredise pas avec un hadith ou bien un verset. Wa ala hada. Et par conséquent, fali basuna, donc nos vêtements, nahnu huna fi Najd, nos vêtements ici à Najd, en Arabie Saoudite, ou le Jazira en général, hein, amma, huwa al-qamis. Il a dit, c'est le qamis, ou sirwal, c'est le pantalon arabe, ou taqiya, c'est la chachiya sur la tête, ou le rotra, le truc rouge que j'ai dit. Une seconde, inshallah ta'ala. Mahda. Naam. Alaykoum salam wa barakatuh. Alhamdulillah. Bi-idnillah. Akhlas, ana ghadou inshallah nkilmouk nkoulouk wach dirt ma'a. Bi-idnillah. Akhlas, ma kach mouchkil. Akhlas, njiboulouk inshallah. Aïe, salam wa rahmatullah. Salam wa barakatuh. Normalement, inshallah ta'ala, je n'arrête pas le dars si quelqu'un me téléphone. Vous savez cela. Mais ici, c'était ma mère qui me parlait. Ma mère est plus importante que le dars, vous le savez. Al-Muhim. Il a dit ici, chez nous, à Najd, il a dit en Arabie Saoudite, nos habits, c'est quoi? C'est le qamis, le pantalon et le khimar rouge sur la tête. Il a dit, فَإِذَا لَبِسَ الْإِنسَانُ هَذَا كَانَتْ فِي السُنِّيَّةِ مِتْ لِبَسَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَمَامَةِ وَالْإِزَارِ غِدًا. Il a dit, si quelqu'un ici, chez nous, en Arabie Saoudite, va mettre le pagne et va mettre la cape, non, va mettre le pagne, non, c'est contraire. Si quelqu'un ici, en Arabie Saoudite, chez nous, à Najd, va mettre non, le kamis et le sirouel et la chéchia sur la tête, ou bien le khimar rouge, il a dit, c'est comme si, dans la sunna, il s'était habillé avec le turban et le pagne et yani, la cape comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit pourquoi? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمقتضى العادة. Il a dit parce que le messager d'Allah, quand il s'est habillé avec le kamis et yani, le pantalon arabe et le turban, il a dit il a fait ça par habitude. Et nous, notre habitude ici en Arabie Saoudite, l'habitude des gens, c'est de mettre quoi? C'est de mettre le khimar ou bien la chéchia et le kamis et le pantalon arabe. Naam, au lieu du pagne et le pagne que mettait le messager de la Rasulallah et la cape. Naam. Wallo khalifna adatana ila makana nas ya'taduna fi ahd ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lakana dhik ashhara. Il a dit si maintenant on va délaisser nos habitudes, les habitudes d'ici, de Najd et de l'Arabie Saoudite, et on va mettre ce que faisait le messager d'Allah, alayhi wa sallam, et les gens de son temps, en son époque, il a dit, on va quoi? On va rentrer dans la réputation. On va rentrer dans la réputation. Il a dit, quant à la bague, taïb, vous m'entendez, Inch'Allah? Écrivez-moi numéro 1 pour qu'on termine, il va bien, pour faire ça, fléchiser. Il va parler de la bague et des cheveux longs. Alhamdulillah. Il a dit, mais quant à la bague, إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. Il a dit la bague, le messager d'Allah عليه وسلم, l'a mise. Pourquoi? Il parle de la bague, on parle de la bague pour l'homme. Hein? Il a dit la mise par nécessité. وهو أنه نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يختم على الرسائل التي بعثه الملوك ليكون ذلك كالتحقيق. Il a dit le messager d'Allah عليه وسلم, pourquoi a mis la bague? Parce que il envoyait des lettres au roi, aux émirs, etc., pour qu'ils rentrent, pour qu'il leur envoie, yani, pour les exhorter à rentrer dans l'islam. Mais quand ils lisaient les lettres, ils disaient de qui ça vient ça. On leur disait par exemple, ça vient de Mohammed A.S. Ils disaient, c'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve que c'est lui qui l'a envoyé. Alors on a donné une nasiha au messager d'Allah A.S. On lui a dit, les rois, etc., n'acceptent pas des messages comme ça, qui ne sont pas scellés ni tamponnés. Alors, si tu mettais une bague et tu écrivais dessus Muhammadun Rasulullah, et à chaque fois que tu envoyais la bague, tu mettais comme ça le tampon sur la lettre. Alors, de ce jour-là, le messager d'Allah a mis la bague. C'est pour ça que Cheikh dit que le fait de mettre la bague, si on la met, yani, parce que il y a quelque chose, parce que c'est une nécessité de la mettre, par exemple. Naam. Il a dit les no muhtajuna ilayha. Il a dit ala anna ba'd ahli al-'ilm yaqul in takhtum sunnah mutlaqan. Il a dit mais certains des savants ont dit que le fait de mettre la bague c'est une sunnah en général même si tu ne la mets pas par nécessité. Il a dit mais son vrai commencement, comment a commencé la bague, elle a commencé à cause d'une nécessité car le messager de Allah on acceptait plus de lui des lettres qui n'étaient pas tamponnées, cachetées. C'est ça le début de la bague. Il a dit, mais maintenant, certains savants ont dit, si quelqu'un veut la mettre comme ça, yani, à cause que le messager de Allah l'a mise, il a dit, c'est permis. Non. Il a dit autre chose ici pour terminer, inshallah ta'ala. Quant aux cheveux, le fait de pousser les cheveux, yara ba'dul ulama inna ibada. Certains savants voit que c'est une adoration. Tu laisses pousser les cheveux comme le messager d'Allah les laisser pousser, naam, que ça rentre dans l'adoration. Naam. Et que c'est une sunna, c'est bien de laisser pousser les cheveux. Wayara akharun. Alors que d'autres savants voient que hadha min umur adiya, que le fait de laisser pousser les cheveux, ça rentre seulement dans l'habitude. Et que ça rentre pas dans l'adoration. Bidalil qawla rasul sallallahu alayhi wa sallam, Il a dit, voilà, je vais donner un dalil. Il a dit, je vais donner un dalil que le fait de pousser les cheveux ne rentre pas dans l'adoration. Mais ça rentre seulement dans les habitudes. Il a dit, parce que le messager d'Allah a vu quelqu'un qui avait rasé certains de ses cheveux et en laissé d'autres. Il a, par exemple, il a rasé d'un côté de la tête, il a laissé de l'autre côté. Fanahahum. Le messager d'Allah, yani, leur a dit qu'il fallait plus faire cette chose. Nahahum. Il leur a dit, il faut pas faire cette chose. Il a dit, ahliqou, ahliqou, ahliqou, kullahu, ou dharhu kullahu. Il a dit à cette personne, rase tes cheveux complètement ou bien laisse-les complètement. Mais ce n'est pas, tu touches d'un côté et tu laisses de l'autre. Comme disent le hadith, le qaza. Non. Il a dit, wahada yadul. Il a dit, ça c'est une preuve. C'est une preuve que le fait de faire laisser pousser les cheveux n'est pas une adoration. Ou illa, car sinon, il aurait dit, après, sinon, il aurait dit, laisse pousser tes cheveux, ou la tuhliq minhu shay'an. Il aurait dit, laisse pousser tes cheveux et ne les touche pas. Car si c'est une chose que Allah Ta'ala aime, non, et si c'est une chose, ça rentre dans l'adoration. L'adoration, on ne la déconseille pas. On ne va pas dire à une personne, ne fais pas cette chose, alors que c'est une adoration. Comme ça dit le Cheikh Larmou, il a dit, le fait que le messager de Allah ait dit à cette personne, coupe-le carrément, yani, ou bien, yani, coupe-le carrément, ou bien laisse-le carrément, il a dit, ça c'est une preuve que le fait de laisser pousser les cheveux ne rentre pas dans l'adoration. Mais ça rentre seulement dans quoi? Dans l'ada qui est l'habitude. Et maintenant, si on voyait de nos jours, quelle est l'habitude? Qui a l'habitude de laisser pousser les cheveux? Est-ce que ce sont, par exemple, les hommes pieux, les religieux, ou bien les autres, les fans, les fous, qui suivent les chanteurs et les footballeurs, etc. Vous allez voir que ce sont ceux-là. C'est pour ça, on voit, si je suis dans un pays où laisser me fait ressembler à ceux-là, il devient interdit que je laisse pousser mes cheveux. Si je vis dans un pays où ce sont les religieux, où ce sont tout le monde qui a les cheveux longs, ça ne devient plus interdit, à condition que, yani, on ne les laisse pas pousser jusqu'au dos pour qu'on ressemble à une femme. Mais juste comme faisait le messager d'Allah, c'est-à-dire ou bien jusqu'aux épaules, ou bien jusqu'aux oreilles. Non. Donc le vrai, c'est que laisser pousser les cheveux n'a rien à voir avec l'adoration. C'est seulement une habitude. Et moi, je suis l'habitude de mon pays. Dans mon pays, la plupart n'ont pas les cheveux longs. Et ceux qui ont les cheveux longs, comme j'ai dit, ce sont les plus ou moins yani, fous, ou la drogués, ou la, je ne sais pas comment on appelle ça. Non. Maintenant, reste quoi? Reste le sixième mot. Je vais, Inch'Allah, à la prière, et on va finir, ou bien laisser le sixième mot à la prochaine fois. Et c'est le plus important du DAS, c'est ce qu'a fait le messager d'Allah en ce qui concerne l'adoration. Car on a vu ce qu'il a fait par nature, ce qu'il a fait par spontanément, ce qu'il a fait par désir, ce qu'il a fait par particularité, ce qu'il a fait par habitude, cinquièmement, et sixièmement, ce qu'il a fait par adoration. On va le faire, Inch'Allah Ta'ala, après Salat Isha, ou bien dans un prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, vous n'oublierez pas, Inch'Allah Ta'ala, de préparer dès maintenant vos questions. Naam. Pour que, Inch'Allah Ta'ala, ça ne nous prenne pas beaucoup de temps. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Naam. Je dis, Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Elle fait saut. Fait saut? Ah, alhamdulillah, elle fait, hein? Subhanallah. Donc, comme j'ai dit, je n'ai plus le paletot qui s'est désinstallé, je ne sais pas pourquoi, peut-être un virus, Allahu a'lam. Maintenant, il est en train de faire la mise à jour. Si vous voulez, le temps qu'il termine, on commence par vous poser des questions ici, vous inversez, vous mettez le stéréo mix là-bas, sur le paletot. Le temps que la mise à jour se termine, Allahu a'lam. Tayyib, Inch'Allah, on commence la première question. Je vous laisse le micro, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question, c'est laquelle, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakallah ya shir. Dans Usul Salasa, on fait état de trois tawhid. Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Asma wa Sifat. On parle d'un quatrième tawhid. Pouvez-vous nous donner son nom et explication? Barakallahu fik, jazakallahu khair. Tfadal shir. Allah vous barakate. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Sunnah al-Jama'a disent qu'il y a seulement trois tawhid. Seigneurie, divinité et nom et attribut. Mais certains ont ajouté une quatrième sorte de tawhid. Et c'est certains qui ont ajouté la quatrième sorte, bien ce sont les gens de la Sunna et de la Jama'a, ou bien ce sont les gens de l'innovation. Comment savoir cela? C'est très simple. S'ils disent la quatrième sorte, c'est... On est en train de parler de la sorte de Tawhid. S'ils disent la quatrième sorte, c'est le Tawhid du jugement, le Tawhid al-Hukm. Ce qu'ils appellent le tawhid de juger avec le hakimiyya, juger avec ce que Allah Ta'ala a fait descendre, juger avec le Coran, juger avec la sunna. S'ils disent ça, ça veut dire que ce sont les gens de l'innovation, ce sont les gens de la bid'a, les gens du tekfir qui disent comme ça, les khawarij. Pourquoi? Parce que nous on leur dit, premièrement, les salafs n'ont pas divisé en quatre, mais seulement en trois. Et deuxièmement, tawhid du jugement, le hakimiyya, se trouve dans Tawhid al-Rububiyya. Car Allah Ta'ala, c'est lui le hakim. C'est lui ahkam al-hakimin. On n'a pas besoin de créer une quatrième sorte. On dit premièrement. Et certains disent, se trouve même dans le hakimiyya, le jugement hada. Tawhid du jugement se trouve même dans Tawhid de la divinité. Parce que c'est nous qui devons aussi et nous juger par ce que Allah Ta'ala fait descendre. Maintenant, si quelqu'un nous dit qu'il y a une quatrième sorte de tawhid, ça s'appelle tawhid le suivi. Tawhid, comment suivre le messager d'Allah. Dans ce cas, on dit, c'est possible qu'on ajoute cette quatrième sorte, et dans ce cas, ce sont Al-Sunnah ou Jama'a qui ont dit qu'il y a une quatrième sorte, ça s'appelle comment suivre. Le messager d'Allah dans ce qui est caché, dans ce qui est caché, dans ce qui est avoué. Tout ça n'est pas vrai. Donc voilà, inchallah, pour la réponse. La deuxième question, inchallah. Salam alaikum, shir. Je suis une sœur convertie, alhamdulillah, et pratiquante. Et j'essaie d'apprendre ma religion et de craindre Allah le plus possible et d'être sincère dans ma foi. Il y a à peu près un an, j'ai fait un rêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'ai pas vu son visage. Je ne l'ai pas vu du tout. En fait, j'ai cherché dans ma maison et je ne l'ai pas trouvé. C'était le matin, après Salat al-Fajr, vers 11h du matin. C'était la nuit, sur ma terrasse, dehors, mais il y avait de la lumière. C'était quand même bien éclairé pour dire que c'était la nuit. C'était la nuit dans le ciel, mais il y avait sûrement des lampes allumées à l'extérieur. Il y avait des femmes sur la terrasse et des hommes en bas avec un tracteur, car ma maison était en travaux à cette époque. Mais il n'y avait pas de tracteur dans la réalité. Il n'y avait pas mes parents dans le rêve. Du côté des femmes, je crois que les femmes n'avaient pas le voile. Entre parenthèses, moi je porte le djilbab dans la réalité. On a reçu un coup de fil sur le fixe et c'était pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le téléphone avait une lumière verte à l'écran. J'ai deux côtés de ma maison. Je suis allé voir de l'autre côté, près de la lingerie, en le cherchant. J'ai dit où j'ai voulu dire au messager d'Allah, es-tu là? Et ce rêve se finit. Je ne l'ai pas vu. D'un côté, j'étais contente car j'aurais aimé le voir. mais d'un autre, je me dis que la sunna n'est pas chez moi. C'est peut-être ça. C'est peut-être cela que ça veut dire. Mes parents sont mécréants. Je suis la seule musulmane. Qu'Allah me pardonne si je raconte peut-être mal le rêve. Qu'Allah vous garde, chir, ainsi que votre famille et descendance. Pourquoi, par rapport à ce rêve, pour tes ikhlas, inshallah, est-ce que tu veux une nasiha? Que veux-tu du shir par rapport à ce rêve? Je vous ai enlevé le raid, inshallah. Naam, donc, shir, la sœur veut savoir qu'est-ce que cela signifie par rapport au fait qu'elle cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Tfadal, shir. Alhamdulillah. Donc, vous connaissez maintenant la règle, quand je tarde à rentrer, etc. Ça veut dire tout simplement que j'ai des problèmes, soit avec le paltok, soit avec n'importe quoi. Al-Muhim. Quant à ce rêve, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait dire, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il faudrait dire, et d'abord, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en règle générale, c'est quoi? Quand c'est quelque chose de bien, quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous donne de la joie dans le cœur, etc., on dit Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'exaucer. Et quand c'est quelque chose qui nous fait mal, ou là, qui nous chagrine, ou là, qui nous rend triste, on crache sur le côté gauche, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de nous, on la raconte à personne. Sinon, comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas d'interprétation pour toute chose en particulier. Toute chose comme ça, comme on voit, il passe à la télé, pour toute chose, il te donne une explication. Tout ça, c'est faux, c'était pas vrai, bidna azawi. Donc, en général, ce rêve, inshallah ta'ala, où il parle du messager d'Allah, sallam, et quelqu'un qui veut le rencontrer, ou le voir, ou le trouver, ça, tout ça, inshallah ta'ala, c'est un délit que la personne veut la sunna, que la personne veut ce qu'il y a chez le prophète, sallam, que la personne veut ce qu'il y a chez Allah. On laisse comme ça en général, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui exaucer son vœu et de faire d'elle une sœur qui demande la sunna, la quête de la sunna, et une sœur qui soit près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de sa rencontre. Naam. Fadal, inshallah, prochaine question. Ensuite, j'oublierai pas de dire que la sœur qui est passée, de lui chercher dans les messages quelque chose qui avait rapport avec un titre comme quoi il y a un divorce difficile à digérer ou quelque chose comme ça, que j'ai bien cherché et que je n'ai pas trouvé un titre pareil ni qui lui ressemble. Naam. Et Abu Huraira, ou plutôt le roi là-bas, n'oublie pas de me chercher la personne qui devrait venir ici pour que je lui parle après le das. Tfadlan. Salam alaykoum shir, hayakoum Allah. Concernant l'interdiction de faire deux unités de prière entre le Asr et le Maghrib, celle-ci est-elle exacte? Si oui, s'agit-il d'une interdiction liée aux heures canoniques des prières ou de leurs accomplissements? Exemple, le Asr est à 16h et le Maghrib à 18h. Si je prie deux unités de prière à 18h30 et ensuite je prie le Maghrib, est-ce que cela est correct? Barakallahu fikoum. J'espère que ma question est claire. Et juste une petite parenthèse, actuellement ont lieu des cours d'un shir du Koweït, shir Rusman El Khamis. Le connaissez-vous? Tfadal, shir. La question qui a rapport avec la salat, je ne l'ai pas comprise, mais pour ne pas perdre de temps, je vais répondre en général, je vais dire. Ensuite, s'il manque quelque chose, si ça ne correspond pas à la réponse, la personne me le redit, me reprend. En ce qui concerne la prière après l'asr, je parle de la prière nafila surérogatoire, il est interdit de la faire si c'est pendant, yani, que le soleil est devenu jaune ou bien a rougi et que on n'est pas loin de la salat al-maghrib. C'est interdit alors de faire la nafila. Mais si c'est juste après salat al-asr, carrément juste après avoir fait le teslim, ou bien un quart d'heure après, une demi-heure après, jusqu'à une heure moins un quart après. Hein? Dans ce cas, c'est permis. À condition que le soleil n'ait pas jauni et qu'il soit toujours blanc, comme a dit le messager d'Allah, dans le hadith de Ali ibn Abi Talib. rapporté par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Il a dit authentique. Où Ali ibn Abi Talib a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi wa sallam dire que il n'y a pas de salat après salat l'asr, sauf si le soleil est blanc, propre. Ça veut dire, il est toujours, yani, il n'a pas encore jauni ni rougi. Donc c'est quoi? C'est juste après salat l'asr, ou bien une demi-heure à peu près après, ou là une heure moins quart. Mais si on tarde assez, jusqu'à ce que ça devienne rouge, c'est bientôt le coucher du soleil, ce n'est plus interdit, ce n'est plus permis de faire la salat après l'asr, nafila. Quant à Othman Khamis, je le connais. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un du Koweït qui fait la da'wah. Il est surtout contre les chiites. Il est surtout connu pour ses douros contre les chiites. Et je ne connais de lui que du bien. Wallah Azza wa Jal alam. Tfadl le suivant. Oum Sulayman, j'ai pas compris le commentaire que vous avez fait par rapport à la réponse du cheikh. Le cheikh, par rapport à la personne que vous voulez voir à la fin du cours, vous parlez du frère qui doit aller chercher le colis en région parisienne. C'est de ça que vous parlez, Inch'Allah. Al-Ghuraba, si tu as la question de Islam Dini, pose-la, Inch'Allah, car je n'ai pas la question. Ah oui, donc cher, par rapport à la réponse que vous avez donnée sur la salat, la sœur elle dit si le Adhan pour Salat al-Maghrib il est passé, est-ce qu'elle peut faire les nafilas puis faire la salat de Maghrib? Tfadal cher. Salam alaikum. Est-ce qu'elle parle des nafilas qu'elle n'a pas pu faire après l'asr? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle parle des nafilas qu'elle n'a pas pu faire après Salat al-Asr? Est-ce que c'est celle-là? Non, elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Parce que en général, le messager d'Allah, même s'il n'a pas raté deux rak'at après Salat al-Asr, certains ont dit que c'était particulier par rapport à lui, et d'autres ont dit que c'est parce qu'il était, yani, comment on dit, il était, attends, je cherche le mot, il était tenu par les gens, etc. Il était occupé. Donc, il allait rattraper celle qu'il ne faisait pas après le dhuhr, il allait rattraper après l'asr. Naam. Donc, la vraie sunna, c'est de faire 4 après l'asr. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit que Allah Azza wa Jalla fasse la miséricorde à quelqu'un qui fasse 4 prières avant l'asr. Rahimallahu mara'an salla arba'an qabla l'asr. 4 avant l'asr, c'est mieux que de faire la nafila après l'asr. Sauf si, comme j'ai dit, on n'a pas fait ceux de dhuhr, on les rattrape, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfadl. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Donc, c'est une question sur la prière. Ma mère est âgée et prie assise pour des problèmes de santé. Il lui arrive souvent d'oublier le nombre d'unités qu'elle fait et corrige sa salat. Je lui ai dit de se concentrer un peu plus et de faire du dhikr avant la salat. Et malgré cela, elle oublie des choses, elle a beaucoup de soucis, je pense. Entre parenthèses, enfants et autres. Elle est beaucoup préoccupée. Et parfois, dans son soujoud, elle oublie tout et recommence toute sa prière. A-t-elle le droit? Et quel conseil lui donnez-vous afin de mieux faire ses prières? Barakallahu fikum yashir, qu'Allah vous préserve. Est-ce que votre mère écoute le shir actuellement? Pour savoir s'il peut lui faire une séha en direct. Inch'Allah, si vous pouviez donner la réponse. Tfadal shir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. D'abord, je dis à cette mère, l'âme qui, alhamdoulilah, malgré ce qu'elle souffre et malgré son handicap, yani, ne laisse pas passer la salat, il l'a fait, même assise. Je lui dis que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse ton cœur et accepte de toi et te cache cela pour le jour de sa rencontre à Zawajal. Ensuite, je lui fais une petite remarque. Je dis à cette femme et à d'autres, à tous ceux et celles qui font la salat assis, je leur dis, n'oubliez pas que si vous pouvez, je dis bien si vous pouvez, quand vous faites une salat obligatoire, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, je ne parle pas de Nafila, quand vous faites une salat obligatoire, n'oubliez pas, si vous pouvez, de commencer par faire la salat debout, au moins le takbir, au moins le premier takbir. On le fait debout, on dit Allahu Akbar, et on essaye, par exemple, de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si on peut, on peut. Si on ne peut pas, on s'assoit carrément. Mais on essaye au moins de faire le salat, le takbir, le premier takbir, de le faire debout, et ensuite on s'assoit carrément. Mais si on ne peut pas, ça ne fait rien. Allah Azza wa Jalla ne va pas dire pourquoi tu ne fais pas une chose que tu ne peux pas. Mais je dis pour ceux et celles qui peuvent, on doit commencer par faire le takbir debout, ensuite on s'assoit, puis Allah Azza wa Jalla. Quant à le fait que la personne oublie beaucoup, etc., non, il faudrait que ce que je lui conseille, Inch'Allah Ta'ala, c'est que avant de rentrer dans la salat, elle devrait se préparer un peu. Non, on se prépare un peu avant de rentrer dans la salat, ou bien en lisant quelque chose, ou bien en écoutant un dars, ou bien en lisant du Coran, ou bien en faisant quelques dhikr, comme ça, on a commencé, si je puis dire, à se réchauffer un peu. C'est-à-dire on a commencé à faire de son cœur pour qu'il soit présent. Car des fois, le cœur est loin. Il est soit avec les enfants, soit avec le travail, soit avec le mari, soit avec les soucis, soit avec l'argent, soit. Et si on va rentrer directement dans la salat, on va plus savoir ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça, avant de rentrer dans la salat, on essaye de s'asseoir, hein, de méditer un peu, de se parler à soi-même, de dire je vais rentrer dans la salat, j'espère que Inch'Allah Ta'ala je la ferai bien, je ferai mon possible, ceci, cela. Et Inch'Allah Ta'ala, elle fait des doigts et rentre dans la salat. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas l'oublier dans nos doigts, que Allah Azza wa Jal la guérisse et raffermisse son cœur et l'aide dans sa salat pour qu'elle ait le khushu'. Fadlan Inch'Allah, le suivi. Naam, c'est autour de Amatul Haq. Est-ce que tu as la question, Akhel Roulaba? Amatul Haq, si vous êtes là, Inch'Allah, posez votre question en direct sur la room. Soit Amatul Haq, ou alors Umway. Si vous êtes là, posez la question, Inch'Allah. Je vous enlève la raide. Salamu alaykum, Shir. Il y a des frères qui font la prière dans une salle de sport. Mais il y a des images. Est-ce qu'ils peuvent prier malgré les images? Barakallahu fikum. Quel genre d'image, Umway? Qu'est-ce qu'il y a sur ces images? Inch'Allah, pour que la réponse soit la plus claire possible. Des boxeurs. Ah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il faudrait savoir et attendez, je cherche le mot. Et faire la différence entre ce qui est parfait et ce qui est moins parfait et qu'on est obligé de faire. C'est-à-dire, si dans la salle, on a les moyens d'enlever les images. Par exemple, on a les moyens. Donc, on est par exemple celui qui est le responsable de la salle et il accepte. On lui dit par exemple, on ne peut pas faire ici la salat. Il dit par exemple, enlever. Dans ce cas, c'est ce qu'on doit faire. Mais si on ne peut pas enlever les photos, les images, il nous reste de deux choses l'une. Ou bien faire la salat où il y a les images, ou bien ne pas la faire du tout jusqu'à ce que son moment sorte. Et dans ce cas, le moindre mal serait de faire la salat où il y a les photos. Naam, faire la salat, c'est comme dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est basé sur le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il était interdit de faire la salat dans le bain mort ou bien dans le cimetière. Il a dit, mais si une personne est rentrée dans le bain mort, ensuite elle a vu que c'est le moment de la salat et elle ne peut plus faire autre chose. Si elle ne la fait pas, elle va aller à la maison et elle va arriver en retard, l'heure est sortie de la salat. Il a dit, il a dit, le temps en islam est beaucoup plus important que l'endroit. Le temps ici, c'est de faire la salat à l'heure. Ici, la même chose, Inch'Allah Ta'ala. S'il ne peut pas enlever les images, et il n'a que la seule solution, c'est de la faire où il y a les images, alors qu'ils la font, c'est mieux que de la faire sortir de son heure. Wallahu Azza wa Jal alam. Le suivant. Non, pas sur le InSpeak, Inch'Allah. Donc c'est autour de As-Salafiyya 9. Je n'ai pas la question. Akhir là-bas, est-ce que tu as la question de As-Salafiyya 9? Donc on passe à Al-Muhtajiba. Toujours sur le InSpeak. Les questions, Inch'Allah, il faut les envoyer en PV. Khair, Inch'Allah. Donc on passe à Sunna la voix. Salamu alaikum. Est-ce qu'il y a une invocation à faire dans Sujoud? Tfadal, cher. Je n'ai pas compris que ça veut dire invocation. Si elle veut dire qu'est-ce qu'on dit dans le sujoud, je réponds qu'on dit Subhan Rabbil A'la trois fois, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, ou bien Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, ou bien Subuh Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh. Non. Maintenant, si elle veut dire est-ce que c'est possible de faire d'autres invocations à Allah, non, c'est possible, même si mieux. Le messager d'Allah a dit que le sujoud s'était fait pour cela, pour faire les doigts. C'est-à-dire, quelqu'un demande, après avoir dit Subhanallah Allah trois fois, il dit à Allah, aidez-moi à ceci, aidez-moi, yani, guérissez-moi, aidez-moi à payer mes dettes, aidez-moi à me marier, aidez-moi à ceci, cela. Non, tout cela est permis, inshallah ta'ala. Tfadla. Anishra, elle a écrit en phonétique, Allahu alam, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Si vous avez compris la précision qu'elle a mise, j'ai fait le copier-coller sur la room. Allahu alam. Sunna la voix, est-ce que la réponse a été donnée? Est-ce que c'est la bonne réponse ou c'est pas ça que vous attendiez? Elle me dit non, cher. Tfadal, Inch'Allah. Non, mais en fait, elle parlait de sujoud sahou, j'ai pas vu. Elle parlait de sujoud sahou, j'ai pas vu. Non. Quand on fait le sujoud sahou, on dit la même chose. Non. Quand on fait sujoud sahou, on dit la même chose, car il n'y a pas un hadith où il est montré qu'est-ce qu'on dit dans sujoud sahou. Mais il y a un hadith qui montre qu'est-ce qu'on dit dans sujoud, par exemple, de. Sujoud de, comment ça s'appelle, de la joie, je ne sais pas si ça s'appelle sujoud de la joie. Quand il y a une ni'ma, etc., on fait un sujoud. Non. Sinon, dans sujoud sahou, il n'y a pas un hadith qui montre qu'est-ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit ce qu'on a l'habitude de dire. Non. Ce qu'on a l'habitude de dire dans le sujoud normal. Tfadla. Salam alaykoum, cher. Souvent, quand je parle de mon frère de la Sunna, de porter la barbe, de mettre le qamis et des pantalons au-dessus de la cheville, de l'obligation de faire salat à l'heure et plein d'autres choses, il me répond: oui, mais on est en France, c'est dur. Et Allah a dit: la yakofi afwan. Donc la phonétique, je vous la laisse, cher. Que répondre à ces éléments? Tfadal, cher. Alors, quand je parlais qu'il n'y avait pas de hadith dans le sujoud de l'oubli, j'ai dit que, mais par contre, il y avait dans le sujoud de la joie, je voulais dire le sujoud de la récitation. Dans le sujoud de la récitation, il y a ce qu'on dit, par exemple. Mais dans le sujoud de ça, où il n'y a pas. Cette personne dit à chaque fois que je dis à mon frère de faire la salat à l'heure, ou bien de suivre la sunna, etc. Il me dit, c'est dur en France. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La réponse, il faut faire la différence entre, quand on dit à cette personne et on l'exhorte à faire des choses qui sont seulement sunnah, comme le qamis, hein, ou bien quand on lui dit de faire des choses obligatoires, comme la salat à l'heure, et la barbe, et qu'on lui interdit par exemple de mettre les ossements, comment ça s'appelle, c'est pas des chaussures, le pantalon au-dessous des chevilles. Non. Ces choses-là sont obligatoires, non. Et le verset dans ce cas ne s'applique pas ici, car Allah Ta'ala, qui a dit que la salat était obligatoire en son heure par exemple, a dit que ça se fait partout qu'on soit en Arabie Saoudite ou qu'on soit à New York. La même chose pour la barbe, non, et autre chose. Pourquoi? Parce que la barbe. Dites-moi pourquoi, par exemple, les grands chanteurs ou les grandes, ce qu'ils appellent stars, etc., les grands poètes et Victor Hugo et tout le monde, pourquoi tous ceux-là ont la barbe? Ce sont des cafards, Fidel Castro et la clique. Personne ne leur dit pourquoi vous avez la barbe. Non, pourquoi ceux-là, dans un pays de cafards, ils ont pu mettre la barbe. Pour le pantalon, au-dessous de la cheville, la sunna c'est au-dessus. Pourquoi maintenant il y a beaucoup beaucoup d'hommes, des jeunes, qui mettent ce qu'on appelle un pantacourt. Un pantacourt qui monte à la moitié du tibia. Pourquoi personne ne rit d'eux et ne leur dit pourquoi vous mettez ce genre de pantalon. Juste quand on le met à cause de l'islam, on va nous critiquer. Si on met le pantacourt qui arrive à la moitié du tibia, si on le met pour aller danser, ou là pour je sais pas à quoi faire, personne ne va nous faire une remarque. Dès qu'on le met à cause du dîn, classe, tout se renverse sur nous. Donc vous voyez, même les coiffeurs mettent le pantacourt, mettent la barbe, hein, et mettent ces choses-là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, hein, ces choses-là, on doit faire le notre possible pour les faire, d'accord, pour les choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont seulement sunnah, c'est entre toi et ta foi. Mais pour les choses qui sont obligatoires, qui sont interdites, il faut faire, Inch'Allah Ta'ala, le maximum de nos efforts. نعم تفضل أخ كريم. J'ai la question de Amatul Haq. Salam alaykoum. Est-il permis de réciter le Coran dans la salle de bain sans toilette? Tfadal, Cheikh. Comme salam, rahmatullah. Je ne sais pas que ça veut dire réciter. Si elle veut dire, yani, se réfugier auprès d'Allah en lisant par exemple un verset, ou là en lisant un coursier, ou là quelque chose comme ça, c'est possible. Mais si c'est pour réciter carrément, aller s'asseoir et commencer à réciter, hein, le Coran, on doit le laisser, Inch'Allah Ta'ala, hein, pour les endroits où il y a les endroits, disons, les plus parfaits. Non. Et les endroits, yani, où il n'y a pas, où ne circulent pas les djinns, etc. Non. Car dans la salle de bain, je pense qu'il y a là-bas la baignoire, on se lave là-bas, etc. C'est un endroit plus ou moins yani, où il y a du louche. Mais si c'est pour se réfugier contre un démon, ou là pour on a peur, on veut dire être coursier, ou là c'est possible. Et comment peut-on lire le Coran en se baignant? Elle veut dire peut-être qu'elle yani, elle fait des invocations. Et quand qu'est-ce qu'on récite? Est-ce que quelqu'un yani, peut par exemple se baigner et en même temps il est en train de lire Sourate al-Kahf? Il jette l'eau sur sa tête et il dit Alhamdulillah, alladhi anzala al-kitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwajan. C'est pas possible, je pense pas que quelqu'un puisse lire le Coran et en même temps yani, il est en train de faire d'autres choses. Le Coran, quand on le lit, on doit méditer sur ce qu'on est en train de lire, avoir le khushu', etc. Non. C'est pour ça que on laisse le Coran yani, pour les moments où on est assis, on est à l'aise, hein, et on ne pense qu'à ce qu'on est en train de lire. Wallah Azza wa Jalla, mais si c'est pour des invocations, c'est possible. Tafadhal. Donc on passe sur le InSpeak. Donc Salafia 9, j'ai toujours pas eu votre question, ni Al-Muhtajiba. Donc on passe à Ourt 19. Je n'ai pas non plus la question. Alhamdulillah. Donc la question de Al-Muhtajiba, Salam alaykoum Cheikh. Que doit-on répondre à un enfant qui demande où se trouve Allah? Et comment peut-il nous voir toujours et partout? Peut-on lui dire qu'Allah possède des pouvoirs? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve. Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah, on lui a posé cette question, il a répondu avec une réponse qui m'a beaucoup plu, mais subhanallah l'adhim, ce fichier, yani, je l'ai perdu, ça fait 2 ou 3 jours. C'est pour ça qu'Inch'Allah ta'ala, yani, demain ou après-demain, je vais bien chercher dans mon ordinateur si je trouve ce fichier pour vous lire la réponse, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, Fakarni. Et le là-bas. Mais avant cela, je vais dire que, en général, quand un enfant nous pose des questions, on doit lui répondre d'après quoi? D'après son niveau. on ne rentre pas, par exemple, avec lui dans les attributs, etc. Parce que ça risque de lui faire des ambiguïtés comme ça tout jeune. Le messager d'Allah, sallam, à cet âge-là, avec les enfants, il attendait, je cherche le mot, il insistait surtout sur le côté amali. Sur le côté amali, par exemple, il a vu Hassan ibn al-Hussein, ou bien Hussein, qui a mis une date dans sa bouche, une date dans sa bouche, qu'il l'a trouvée comme ça, yani, sur le sol ou sur le tapis, il l'a mise dans sa bouche, il lui a dit, car, car, car, ça dit, jette, jette, ne sais-tu pas que nous, les gens de la maison Ahlul Bayt, on ne mange pas la sadaqa, on ne mange pas l'aumône, ne sais-tu pas cela? Regardez, il lui apprend tout jeune que yani, il ne doit pas manger car il fait partie de la maison du messager d'Allah. Il ne doit pas manger la zakat, des choses qu'on donne en zakat. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à quelqu'un très jeune comme ça, il lui a dit, Semmillah, il l'a vu en train de manger, il lui a dit, Semmillah, dis bismillah quand tu manges. Koul biyaminik, mange avec ta droite. Et mange du côté où tu manges. Ne mange pas de l'autre côté. Yani de l'assiette. Ces choses-là, il faut les apprendre aux enfants quand ils sont jeunes. Quant à yani, les détails dans la aqida, il faut laisser qu'ils soient assez yani, conscients. Mais tout jeune, on peut lui apprendre, par exemple, que Allah Ta'ala est en haut, du côté haut, au-dessus des cieux. Et qu'il nous voit. Et qu'il nous entend. Et qu'on ne peut pas le voir. Mais on le verra le Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir. Naam, il a tous les pouvoirs, comme on a dit ici. Naam, ses pouvoirs sont illimités. Naam, tout ce que tu dis, mon fils, il t'entend. Tout ce que on fait, mon fils, il nous voit. Naam, c'est un enfant de 3 ans. À 3 ans, il me paraît encore inconscient pour qu'il comprenne ces choses. Mais on lui apprend des généralités. On lui apprend des généralités. Mon fils, j'espère que tu seras un bon musulman, naam, et que tu suivras le messager d'Allah, sallam. Et attends, je vais te raconter, yani, le messager d'Allah, comment il est né, comment ceci, comment cela. Et on l'incite, inshallah ta'ala, à suivre le dîn. Et à chaque fois, on sent qu'il a commencé à grandir, à chaque fois, on lui apprend une nouvelle chose, inshallah ta'ala. Allah azza wa jalla alam, tfadhal le suivant. Non, donc là, on passe sur le pal talk. Là, j'ai la question en PV, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu fika ya Cheikh, pour tout ce temps que vous nous accordez. Wa ana uhibbuka fillah. Alors, ma question est la suivante. Le tawba consiste à retourner vers Allah suite à un péché pour demander son pardon. En quoi consiste el-inaba? C'est le retour vers Allah suite à quoi? Quelle est la différence? Barakallahu fikum. Tfada, Cheikh. أحبك الذي أحببتني له أحبك الذي أحببتني أحببتني له المهم la différence entre la tawba et l'inaba écoutez bien la différence ensuite si la personne a compris elle me dit j'ai compris sinon je répète la tawba c'est quand on fait un péché et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et vous savez qu'il y a 5 conditions pour la tawba on en a vu quelques-unes et le prochain dans ce mercredi la suite inshallah ta'ala. Quant à l'inaba, le fait de revenir vers Allah, on revient même sans faire de péché. Regardez comment les gens, yani, comment ils ne sont pas les mêmes. Vous trouvez par exemple deux personnes, il y a une personne qui revient beaucoup, beaucoup vers Allah. Elle ne cesse de penser à lui, à son paradis, à son enfer, à la tombe, au Coran, Et il y a une autre personne qui, hein, elle est beaucoup plus distraite. De temps en temps, une fois par jour, elle pense à son au-delà. Il y a des personnes qui restent une semaine, 10 jours sans penser à l'au-delà. Et comme ça. Mais quelqu'un qui est au web, comme l'était Ayoub alayhi salam ou Daoud, c'est quelqu'un qui quoi? C'est quelqu'un qui tout le temps, yani, son cœur est avec Allah. Il revient beaucoup vers lui. Dès qu'il oublie, il revient. Dès qu'il oublie, il revient. Et comme ça. La différence entre l'awab et tawab. Wallahu azza wa jal alam. J'espère que vous avez compris, car c'est simple, inshallah. Tfadhal. Donc on passe à Idris 93. Salam alaykoum. Dans la sourate 48, verset 18, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la Sakina. Et il les a récompensés par une victoire. Est-ce que l'on peut dire qu'Allah donne la victoire aux personnes qu'il a agréées? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, on peut dire comme ça. On peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il agrée une chose et qu'il agrée une personne, Allah ta'ala yirva'an une personne, il l'agrée. Non, il l'aide, il lui donne la victoire, il l'élève en rang, il lui donne un haut rang. Et comme ça, il la rapproche de lui, il lui envoie des anges pour l'aider dans sa mission. Il lit ses shayatines, les shayatines que cette personne a. Il les lit. Et comme ça, pourquoi? Parce qu'il a agréé cette personne. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous, qu'on soit des personnes qu'il a agréées. Tfadl le suivant. Donc on passe au InSpeak. Donc SLFIA 9, toujours pas la question. Pour 19, je n'ai pas non plus la question. Akhir Roulaba, est-ce que tu as les questions? Non, maintenant je vérifie, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Une sœur vous a demandé s'il était permis de faire sa Murajaha pendant qu'elle allait, et vous aviez dit que c'était permis à condition de ne pas toucher le Mushaf. Excusez-moi, je me demande pour quelle raison, car j'allaite souvent et je dois profiter de ce temps pour réviser mon Coran, car j'en connais une grande partie et le reste du temps ne me suffit pas. Pourriez-vous me donner le dalil du fait de ne pas toucher le Coran quand on allaite? Tfadal Cheikh. Et Inch'Allah, je répète que ces questions sont à réserver pour le mercredi, bin'illah. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne me rappelle pas yani avoir répondu à cette question, mais je me rappelle avoir répondu à une question où une personne disait que yani quand elle était en menstrue, s'il lui était permis de faire la muraja, que j'avais dit qu'elle ne pouvait pas toucher le Coran, mais elle pouvait seulement réciter, c'est-à-dire comment on dit muraja, comment on dit muraja en français? C'est pas récité, c'est, disons, mémoriser, révision. Voilà, réviser, celle qui a les menstrues, elle peut réviser sans toucher le Coran. Non. Ou bien, alors quelqu'un lui ouvre le Coran. Ou bien, le Coran par exemple, de l'ordinateur, pas le livre. Car dans l'ordinateur, en fin de compte, elle n'a pas ouvert le Coran. Elle clique seulement avec la souris. D'ailleurs, maintenant, on reste pour celle qui allait, non. Je ne dis pas que c'est interdit de réviser le Coran, ni de le lire, mais je dis que si elle va lire le Coran tout en allaitant le bébé, non, qu'elle peut aussi, yani en même temps, avoir le livre devant elle et réviser le Coran avec le livre bi'idna azza wa jal. Non. Non, elle peut le toucher. Il faut voir si elle est. Si elle a les ablutions ou pas, c'est tout. Il faut voir si elle a les ablutions ou pas. Si elle a les ablutions, elle peut le toucher. Si elle n'a pas les ablutions, elle ne peut pas le toucher. Ça n'a rien à voir avec allaiter. Non. Avec allaiter, je dis, peut-être que ce serait un peu mieux, par exemple, de se couvrir, par exemple, un peu la poitrine quand elle prend le Coran, c'est tout. Non. Wallah Azza wa Jal alam. Par pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Tfadla. Donc on passe à Khattab sur le Pal Talk. Je n'ai pas la question à Khiro là-bas si tu l'as. Salam alaikum, Shir. J'espère que vous allez bien. Barakallahu fik pour vos cours. Par rapport au cours de ce soir, je voulais savoir si une sœur habite dans une ville où les sœurs ne portent pas le djilbab, de peur d'être vue différemment par rapport aux autres sœurs, est-ce un péché qu'elle s'habille en robe de couleur sombre et hijab long? Tfadal Cheikh. Alaykoum salam. Qu'est-ce que ça veut dire hijab long? Est-ce qu'elle veut dire khimar blanc? J'attends la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire hijab blanc? Est-ce qu'elle veut dire khimar? Parce qu'elle a déjà parlé de la robe. Et une robe ne peut pas se mettre sur un hijab. Ou bien un hijab ou bien une robe. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc j'ai pas compris. Tfadal. Allahu a'lam, mais quand elle parle de hijab, elle parle du voile. Elle parle du voile qui va retomber sur sa poitrine. Le voile qui va être au-dessus de sa robe. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Si elle mettait un voile long sur sa tête qui va tomber sur sa poitrine, qui va descendre jusqu'à son dos. Mais elle ne met pas une robe, mais elle met ce qu'on appelle un hijab. Dans ce cas, c'est pourquoi moi, yani, je confonds maintenant. Ce qui se met sur la tête ne s'appelle jamais un hijab. Ça s'appelle un voile ou bien un khimar. Mais le hijab, c'est quelque chose qu'elle met sur ses épaules et qui descend. C'est comme ce qu'on appelle en arabe aba'a. On appelle abaya ou quelque chose comme ça. Naam. Si elle met un foulard assez long qui descend jusqu'à son dos, naam, et qui descend vers l'avant aussi, naam, jusqu'à ses hanches. Naam. Ensuite, elle va mettre un ba'a large, qui contient toutes les conditions larges, non parfumées, qui ne moule pas, qui descend jusqu'à cacher les pieds, etc. D'après ce que j'ai dit la prochaine fois, d'après Fawzan, d'après Ibn Uthaymeen, d'après Ibn Baz, c'est permis, inshallah ta'ala, dans un cas pareil. Mais les trois savants soulignent bien sûr que le jilbab est le meilleur. Le jilbab, c'est lui le premier. Ensuite, vient ça en deuxième position pour les personnes qui ont des difficultés, etc. Le temps qu'elles mettent le jilbab, inshallah ta'ala. C'est la question de Hafsa. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-ce qu'on a le droit de retarder la prière de l'Aïcha vu que le temps de la prière de l'Aïcha est long? Barakallahu fikoum, Cheikh, pour votre réponse. Tfadal, Cheikh. Si on la tarde pour la faire en groupe et que yani, on ne l'a pas fait dans la mosquée, par exemple, on est à la maison, qu'on la tarde pour la faire en groupe, Inch'Allah ta'ala, c'est mieux, à condition que on ne l'a pas tardé à cause d'un match ou à cause d'un film. Et deuxièmement, on ne l'a pas tardé jusqu'à ce qu'elle arrive à sa fin. Car la fin de l'Aïcha, ce n'est pas Salat al-Fajr, c'est la moitié de la nuit. C'est à peu près 11h30, minuit. Donc on ne va pas la laisser jusqu'à ce qu'elle arrive à sa fin ou bien jusqu'à ce que son heure sorte. Naam. Sinon, c'est permis de la retarder pour yani, avec l'intention d'avoir plus de récompenses. Tfadlal. Naam, donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Et c'est au tour de Ourt 19. Akher Roulaba, si tu as la question. Donc après Ourt 19, c'est Bint Ali. J'ai la question, Inch'Allah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Lors du cours, vous avez dit que les hommes doivent s'habiller comme les gens avec lesquels ils vivent, si j'ai bien compris. Qu'en est-il des musulmans qui vivent en Occident? Qu'est-ce qui est haram de porter? Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Premièrement, quand on dit que la sunna, c'est de s'habiller avec les gens, c'est de s'habiller de la façon, hein, la façon, yani des gens avec lesquels on vit. En principe, le musulman devrait vivre dans un pays de musulmans. C'est-à-dire la règle. Donc déjà le fait, on se trouve en Occident, déjà on a quoi? On a outrepassé la règle. On a déjà transgressé la règle qui dit que le musulman ne vit pas avec les kofars. C'est-à-dire premièrement. Deuxièmement, maintenant si c'est pour des raisons, il s'est trouvé là-bas, son père et sa mère, yani, l'ont accouché là-bas, etc. Et que, yani, il n'est pas encore prêt pour la hijra, etc. Pour des excuses plus ou moins valables. Dans ce cas, il ne doit mettre aucun habit qui est interdit par la charia. S'il met là-bas, par exemple, s'il doit mettre un pantalon, alors il met un pantalon, par exemple, assez large, qui ne descend pas au-dessous des chevilles. Et sur le pantalon, il va mettre par exemple une chemise qui descende bien yani sur son derrière par exemple, pour que on voit pas yani, pour que son corps ne soit pas moulé, surtout s'il va quand il va se prosterner et quand il va yani s'incliner. Naam. Et il ne met pas des choses qui sont propres au kofar, comme la cravate, comme yani des choses qui sont propres au kofar. Mais il s'habille normalement. Il s'habille avec une chemise qui descend, comme j'ai dit, jusqu'à son dos, un pantalon assez large, qui soit sur au-dessus des chevilles, comme ça. Si yani, si il ne peut pas mettre le ramis, ou là, trouve des difficultés à le mettre. Et tout ce qui est mode, etc., est propre au kofar, il doit s'en éloigner, inshallah ta'ala. Il s'habille comme ça, yani chastement, modestement, naam, jusqu'à ce que yani, il soit dans un endroit où il s'habille apparemment avec la sunna. Tfadl. Donc c'est la question de Mouahidine. Salam alaykoum, bismillah. Y a-t-il une période définie pour la salate du voyageur, c'est-à-dire combien de temps peut-on rassembler et raccourcir les salates? Jazakallahu khair. Tfadl cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. L'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que tant qu'on est en voyage, on peut raccourcir jusqu'à ce qu'on revienne chez soi. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar a raccourci sa salate pendant 6 mois à Adrabidjan. Et Anas ibn Malik a raccourci sa salate pendant 2 années. 2 années, c'est pas 6 mois, 2 années. Et il y a 2 autres sahaba dont j'ai oublié le nom, mais que j'ai noté, que j'ai comme ça dans mes notes, qui ont aussi, en Syrie, sahaba ou bien tabi'un, qui sont restés aussi 2 ans à raccourcir la salate. Ça, c'est en ce qui concerne le fait de raccourcir la salate. Mais le fait de rassembler la salate, c'est autre chose. C'est pour ça, je l'ai dit plusieurs fois, je répète, jusqu'à ce que ça s'ancre, inshallah ta'ala, dans vos cœurs. Le voyage, la sunna, c'est de quoi? C'est de raccourcir la salate. Ou bien la sunna, ou bien l'obliger. Non. Mais rassembler la salate n'est pas une sunna du voyage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut voyager et ne jamais rassembler sa salate. Et on peut rassembler sa salate et ne jamais voyager. Donc il faut bien faire la différence entre rassembler et raccourcir. Quand on voyage, l'avis le plus juste, on doit raccourcir sa salate jusqu'à ce qu'on revienne chez soi. Mais rassembler n'a rien à voir avec le voyage. Mais ça a à voir avec quoi? Avec la gêne et l'embarras et la fatigue. Si on est fatigué, si on est ceci, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les deux salates, on les groupe. Soit qu'on soit chez soi, ou qu'on soit en voyage. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai dit, on peut regrouper la salate sans voyager. Et on peut voyager sans regrouper la salate. Quant à raccourcir, il faut le faire à chaque fois qu'on est en voyage, inshallah ta'ala. Dites-moi si vous avez compris, inshallah ta'ala, écrivez numéro 1. D'accord. Je répète, inshallah ta'ala. Mouahidine dit, peut-on rassembler hors voyage? Avant cela, avant que je lui réponde, est-ce que la personne qui devait venir en Algérie, est-ce qu'elle est là avec nous ou pas? Il y a une personne qui devait venir ces jours-ci en Algérie. Est-ce que cette personne est avec nous ou pas? Tayyip. Le temps qu'elle se manifeste, je réponds, inshallah ta'ala, encore une fois. Peut-il répéter ou peut-on rassembler hors voyage? Naam. On peut rassembler quand on est dans le voyage et on peut rassembler hors voyage. Quand est-ce qu'on rassemble? On rassemble quand il y a une cause. Il y a une cause. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas où j'ai été, etc. Je suis venu à la maison. C'est par exemple le Maghreb. J'ai la tête qui tourne, j'ai les vomissements, j'ai, je veux dormir. Qu'est-ce que je fais? Je fais salat al-Maghreb et Isha et je m'endors. Car je sais que c'est difficile pour me réveiller tout à l'heure pour l'Isha, etc. Donc vous voyez, j'ai une cause. Je sais par exemple que je vais sortir et que si je sors, il n'y a pas moyen de revenir à la maison jusqu'à Salat al-Maghrib. Alors comment je vais faire pour l'Asr? Je vais sortir, il est 13h de l'après-midi. Il n'y a pas moyen de revenir à la maison jusqu'à Salat al-Maghrib. Comment je vais faire pour l'Asr? Il n'y a pas où le prier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais grouper, rassembler Zohr et l'Asr, et je vais par exemple sortir, prendre le bus ou l'autocar ou le je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, il y a une cause ici. La même chose pour le voyage. Quand on est en voyage, si on est fatigué, si ceci, cela, on ressemble, on rassemble. S'il n'y a pas de cause, il n'y a rien, etc., on ne rassemble pas. C'est ça la règle. Maintenant, qu'on soit en voyage ou qu'on ne soit pas en voyage. Est-ce que vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala? Naam. Naam. Des fois, on est malade. Des fois, on est malade. Et par exemple, on sait que c'est difficile de faire la salat, etc., et qu'on va dormir, par exemple. On est malade et on va dormir, on a la tête qui tourne, etc. Naam. Je dis, je vais grouper maintenant l'asr, Dohr et l'asr, et je vais par exemple m'endormir. Là, je vais grouper Maghrib et Isha, je vais m'endormir, je suis malade, j'ai la tête qui tourne, etc. On peut le faire, naam. Ce sont des causes, et ce ne sont pas yani tout le temps, tout le temps. On n'est pas comme les chiites qui ne font que 3 salats par jour. Nous, on fait toujours la salat à l'heure. Mais des fois, quand il y a maladie, il y a ceci, il y a cela, yani, qu'est-ce qu'on fait? On groupe les 2 salats, naam, car on sait que c'est difficile de faire chaque salat à l'heure. Allah Azza wa Jal a'lam. Est-ce que c'est compris, Inch'Allah Ta'ala? Wahidine, est-ce que la réponse est claire, Inch'Allah? Tfadal, Cheikh. Elle demande si au raccourci. Et Cheikh, juste une petite parenthèse, Inch'Allah, par rapport à la personne que vous attendez ce soir, est-ce que vous vous rappelez du pseudo? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir en me demandant si c'est de elle que vous parlez. Et Allah a'lam, je ne sais pas de qui vous parlez. Tfadal, Cheikh. Bon, je répète donc, je cherche une personne. Je cherche une personne. Face, maintenant, je ne sais plus de qui je parlais. Maintenant, c'est nouvel appel. Je cherche une personne qui viendrait en Algérie bientôt, d'ici 15 jours, 20 jours, un mois, al-muhim, et qui pourrait, elle dit à la condition, et qui pourrait aller au 92. Moi, je ne sais pas où se trouve le 92. Qui pourrait aller au 92 pour ramener du 92 quelque chose de très léger. C'est tout ce que je dis, Inch'Allah. S'il y a une personne qui dit comme ça, avant d'oublier, donc pour la salat, on ne raccourcit pas. La salat, on n'a pas le droit de raccourcir si on ne voyage pas. Apprenez la règle. On a le droit de rassembler. Si on ne voyage pas, on a des excuses, des raisons. Mais on n'a jamais le droit de raccourcir la salat, même si quoi? Même si on est mourant. Je suis mourant, je dois faire salat al-dhuhr combien? 4. Je suis mourant, je fais salat al-isha 4. Sauf si c'est, je suis dans la guerre sainte et c'est la salat de la crainte. Wallahu alam. Taïb, il a dit, c'est bon, je connais le frère, Inch'Allah. Taïb, où est-ce qu'il est ce frère pour qu'il le contact, où est-ce qu'il est? Comment le contacter? Il a dû partir ce soir. Inch'Allah Ta'ala, cherche-le pour mercredi. Tu m'expliques en PV. D'accord, Inch'Allah Ta'ala. Et mercredi, Inch'Allah Ta'ala, tu me le donnes. Tayyib, Muslim, Alhamdulillah. Je crois que j'ai suffisamment répondu aujourd'hui aux questions, Inch'Allah Ta'ala. Et que minuit est passé, Bidna Ta'ala, 1h chez vous. Naam, c'est beaucoup. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Naam. Sinon, mardi dans le téléphone. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.